France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 2019, dans Du génie français, Régis Debray jouait à mettre en compétition Stendhal et Victor Hugo pour le titre d'écrivain national. En ces temps d'égotisme selon lui triomphant, du tout à l'ego comme il dit, plus accordé à l'esprit de l'auteur du Rouge et le Noir qu'à celui de Guernesey, Régis Debray, on le sait, sans mettre en cause le génie de Stendhal, nous voudrait un peu plus hugolien et un poil moins stendhalien. Là où Hugo décrit et Flaubert s'efface, Stendhal se raconte, écrit Debray. Son moi a beau être à tête multiple, diariste, touriste, moraliste, libelliste, nouvelliste, biographe, dramaturge, critique musicale, amateur de peinture, il ne se quitte pas et ne cesse de revenir à lui, comme au joueur la balle de jokari au bout de l'élastique. En 1964, sur France Culture, la balle du jokari stendhalien, on en suivait les trajectoires et les rebonds dans un numéro d'analyse spectrale de l'Occident que Pierre Cipriot consacrait à Stendhal. Qu'en était-il, au milieu des années 60, de la perception de son œuvre et de sa personne? Chez les invités de cette émission, qui n'auraient probablement pas suivi Régis Debray, Stendhal faisait en tout cas l'unanimité. Même si l'un d'entre eux donnait en quelque sorte par avance du grain à moudre aux médiologues en soulignant combien Stendhal était proche de leur époque. Mais depuis, serions-nous devenus nous-mêmes trop proches de lui? Devrions-nous, comme Debray nous y invite, devenir un peu plus hugoliens que Stendhal? Devrions-nous, comme Debray nous y invite, devenir un peu plus hugoliens que stendhaliens? Pour trancher la question, peut-être trouvera-t-on quelques arguments à glaner dans l'émission que nous allons entendre. Analyse spectrale de l'Occident, Stendhal et le bellisme, une émission diffusée la première fois le 18 avril 1964 sur France Culture. Nous vous prions d'écouter Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Stendhal et le bellisme de Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation d'Hélène Delabrusse. Tout d'abord, vous pourrez entendre « Stendhal oublié et vivant » par Marie-Jeanne Dury et « Poésie et vérité chez Stendhal » par André Mauroy. À 17h45, « Stendhal et Julien Sorel » par Henri Guillemin, suivi de « Stendhal classique ou romantique » par Pierre Moreau. À 18h25, « Stendhal et le bellisme » de Léon Blum, présentation par Julien Quin de l'Institut. Et enfin, à 18h45, Stendhal vivant avec André Bourin, Jean Dutour, Hubert Juin et Christian Murciot. Les textes seront lus par Sylvia Montfort, René Clermont, Jean Levray et Renaud Marie. Peut-être entrait-il dans la destinée de cet homme si simple, écrit Léon Blum dans Stendhal et le bellisme, de n'être jamais compris et accepté simplement. Voyons les faits. Dans l'étude publiée en 1840 sur la Chartreuse de Parme dans la Revue parisienne, Balzac nous dit que Stendhal est l'un des maîtres les plus distingués de la littérature des idées, qui se recommande par l'abondance des faits, la sobriété des images, la concision et la netteté. c'est le Stendhal classique des romantiques. Plus tard, Taine, qui a travaillé efficacement à la gloire de Stendhal, a vu en lui le plus grand psychologue des temps modernes, traitant les émotions avec une maîtrise abrupte et néanmoins sensible aux péripéties, aux surprises du sentiment. C'est le Stendhal des philosophes. Vers 1885, Barrès aima Stendhal parce qu'il sait transposer les gestes de la vie réelle dans des régions imaginaires. Mosca et Fabrice, disait Barrès, filent dans la musique. Dans le même temps, Paul Bourget, autre stendhalien, célébrait les penchements émotifs, l'expansion passionnée et aussi le témoin lucide de cette vie créatrice qui bouillonne sans cesse. C'était le Stendhal du culte de l'énergie. Puis, à mesure que par les soins de Jean-Louis Vaudoyer, Henri Martineau, Émile Henriot, Jean Prévost, on connut mieux la vie de Stendhal, qu'on fouilla son journal, ses marginalia, sa correspondance, c'est l'homme Stendhal, sans doute parce qu'il fut secret, détestait la familiarité, c'est l'homme donc qui prit le devant de la scène. Dans son Cœur de Stendhal, publié en 1952 chez Albin Michel, Henri Martineau fit apparaître Stendhal dans une lumière pleine, totale, curiosité d'érudit intuitif, rendue possible par l'extraordinaire connaissance que Stendhal avait de lui-même. Connaissance qu'il a appelée lui-même d'ailleurs le bellisme. Mais ses rouages, ses acquisitions de sa pensée, Stendhal les a mis dans le comportement de ses personnages et les nuances de leurs sentiments. Il ne faut donc pas que la forte personnalité de l'écrivain nous fasse oublier l'œuvre, qu'on limite le bellisme à Stendhal, homme fascinant. Si, au début de ce programme sur Stendhal et le bellisme, nous avons demandé à Marie-Jeanne Durie de nous dire de mémoire comment elle voit l'œuvre de Stendhal, c'est pour revenir au romancier, le montrer dans ses fonctions d'inventeur de caractère changeant et spontané. Quand j'aurai tout oublié, de quoi me souviendrai-je encore ? De cette rapidité d'abord, qui n'est pas fiévreuse, qui n'est pas sèche, qui est le don de ne pas appuyer. Jamais de grossissement, jamais de lourdeur. Cet art véloce est celui d'un tempérament où d'innombrables sensations se suivent instantanément, aiguës, d'un esprit en qui les idées succèdent aux idées avec une extraordinaire promptitude, d'une plume qui suit sans le ralentir le mouvement intérieur. Mais il est également le triomphe d'une perpétuelle méditation à bâton rompu. Certainement, Stendhal tourne et retourne sans cesse en lui, et presque sans le vouloir, ses pensées et ses thèmes. Ses notations qu'il jette partout, aux marges des manuscrits, des livres, et jusque sur le couvercle d'une boîte à poudre, ne sont que les traces écrites de sa réflexion continuellement active, les débris de ses grands jeux. C'est parce que dans la rue, les idées lui arrivent et l'absorbent à tel point qu'il se ferait écraser sans s'en apercevoir, parce qu'il s'y livre à la rêverie avec de telles délices qu'il voue au diable les amis qu'il aborde, c'est pour cela que la Chartreuse peut être écrite comme on court. C'est pourquoi aussi il fait preuve d'une pareille sûreté. Dans les œuvres qu'il a vraiment achevées, malgré le mouvement si vif, rien ne semble laissé au hasard. Tout va au but. L'à peu près est banni et l'incertitude. Cette ligne, tracée à main levée, n'a pas de bavure. Ah, comment oublierais-je cette justesse qui me ravissait, alliée à cet infaillible manque d'hésitation. Il est facile de définir un homme ou un art par tout ce qu'il n'est point. Par l'absence ici du joli, du précieux, du maniéré, du fade, et bien sûr de l'ampoulé aussi qu'il haïssait, et du mélodramatique encore, où tombe si aisément l'expression des sentiments extrêmes. Il y a des développements, des scènes, à la sollicitation desquelles bien peu d'écrivains eussent résisté. Qui donc, arrivé au paroxysme des derniers épisodes du Rouge, eût manqué de raconter l'exécution de Julien, le matin, la foule, l'attitude du condamné, les moments suprêmes ? Mais rien. Les derniers mots de Julien ne sont pas ceux du dernier instant. Rien ne nous avertit que nous ne l'entendrons plus. Rien n'annonce comme plus important qu'un autre ce passage qui pourtant contient tout. Je me le répète, ligne à ligne. Le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, Un beau soleil réjouissait la nature et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. « Allons, tout va bien, se dit-il, je ne manque point de courage. » Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de Vergy revenaient en foule à sa pensée et avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation. L'avant-veille, il avait dit à Fouquet, « Pour de l'émotion, je ne puis en répondre. Ce cachot si laid, si humide, me donne des moments de fièvre où je ne me reconnais pas. Mais de la peur, non, on ne me verra point pâlir. » Il avait pris ses arrangements d'avance pour que le matin du dernier jour, Fouquet enleva Mathilde et Madame de Rênal. « Emmène-les dans la même voiture, lui avait-il dit. Arrange-toi pour que les chevaux de poste ne quittent pas le galop. Elles tomberont dans les bras l'une de l'autre ou se témoigneront une haine mortelle. Dans les deux cas, les pauvres femmes seront un peu distraites de leur affreuse douleur. » Julien avait exigé de Madame de Rênal le serment qu'elle vivrait pour donner des soins au fils de Mathilde. Qui sait ? Peut-être avons-nous encore des sensations après notre mort, disait-il un jour à Fouquet. J'aimerais assez à reposer, puisque reposer est le mot, dans cette petite grotte de la grande montagne qui domine Verrières. Plusieurs fois, je te l'ai conté, retiré la nuit dans cette grotte et ma vue plongeant au loin sur les plus riches provinces de France. L'ambition a enflammé mon cœur. Alors, c'était ma passion. Enfin, cette grotte m'est chère, et l'on ne peut disconvenir qu'elle ne soit située d'une façon à faire envie à l'âme d'un philosophe. Eh bien, ces bons congréganistes de Besançon font argent de tout. Si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma dépouille mortelle. Et quoi après ? Je l'ai dit, rien. Seule notre imagination remplit le suspens des trois points. Tout est fini avant que nous nous en soyons doutés. Même le début du paragraphe suivant nous donnerait presque le change, et nous croyons Fouquet au moment d'aller raconter à son ami le résultat de ses démarches, quand déjà il le veille décapité. Fouquet réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre auprès du corps de son ami, lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde. Pourtant, saurais-je encore par cœur ces lignes qui me paraissent aujourd'hui ineffaçables ? Non, sans doute. Mais à défaut des mots et des phrases, je retiendrai, j'espère, le souvenir et le respect de ce refus des tentations littéraires. C'est ce refus auquel est dû pour beaucoup l'impression d'incroyable limpidité que laissent les œuvres de Stendhal. La limpidité chez nous est souvent un trompe-l'œil dont se servent les pauvres. En Stendhal, elle est la fusion de richesses sans nombre. Dragon, intendant à Brunswick ou à Sagan, auditeur au Conseil d'État, consul, voyageur, amateur d'art, critique littéraire, essayiste, romancier, il est tout cela, successivement ou à la fois. Et bien d'autres choses encore. Et il est toujours amoureux. Il faut le voir dans le courrier anglais, véritable touche-à-tout à la littérature, à la peinture, à la musique, à la philosophie, à la politique. Il est plus curieux qu'une femme et le moins figé des êtres. Il manie l'allusion avec tant de malice que les distraits, j'en ai été, peuvent lire la Chartreuse sans se douter que Fabrice est le fils du lieutenant Robert. Il est friand d'anecdotes, de scandales, autant que des secrets du cœur. Il veut, il sait analyser, disséquer, et tout à coup, ce sont des mots jaillis où les créatures sont nues. Fusion de richesses, fusion de contraires. Il est le plus cosmopolite et le plus français. Il s'ébroue en bizarrerie, en boutade, en paradoxe, et ces paradoxes sont des vérités. Ce libéral qui sent le besoin de changer toutes les vieilles institutions a les qualités les plus anciennes de son pays. Il adore Napoléon, mais la liberté. De tout, il voit le sérieux, mais il garde l'amusement et la jouissance. Il a plus de souvenirs que s'il avait 1000 ans, une perspicacité qui perce les apparences. Et quand je pense à son œuvre, c'est une sensation de fraîcheur qui m'envahit et une jouvence. Comme ils brillent, ces héros, comme ils sont jeunes, incorruptiblement jeunes. Ils ne feraient fi d'aucune des réalités charnelles et il a aimé éperdument pendant des années bien des femmes qui, dit-il en sa langue, qu'il n'a point eues. Leurs corps l'ont attiré, mais il y cherchait l'âme qui s'y cache. Il se veut froid et calculant, rêve de l'amour comme d'une tactique, de conquérir les femmes comme d'une stratégie, et nul ne fut plus timide, plus fervent, plus souvent dupe peut-être, plus éperdu, plus et plus longtemps déchiré. Son cynisme est le masque de sa vulnérable tendresse. Tous les humains, même les plus médiocres peut-être, mais surtout les créateurs et leurs créations, ont leurs secrets et leurs sésames. Stendhal nous a livré les siens, le secret de sa dualité et le mot-clé de sa multiplicité. Quand il a noté, plus explicitement encore dans les souvenirs d'égotisme que dans Brûlard, que le pire malheur lui eût semblé de voir ses passions décelées par les hommes secs, que son idée fixe était de n'être pas deviné. Ainsi, sa sensibilité même lui enjoint de la cacher, et la passion déçue le mène à avoir de l'esprit, chose qu'il méprisait d'abord. Dans ses dimanches horribles du retour à Paris, dans ses réunions de café, dans les salons où il fréquente, il dit n'importe quoi pour soulager en instant une douleur poignante. N'importe quoi, sauf ce qui lui importe. La peur du ridicule, le désir de ne pas profaner ses sentiments, lui donne la pudeur la plus jalouse et son arme, la raillerie. Lui qui connaît toutes les formes de la souffrance, il se déguise en roué. Lui qui était ému de tout, il se faisait une seconde nature et passait volontairement pour l'homme le plus gai et le plus insensible. Le secret de Belle, voilà ce qui ne peut s'oublier. Et ces mots qui lui sont échappés un jour me reviennent en mémoire, doués de trop de feu pour les âmes prosaïques. Les âmes prosaïques, mais précisément combien de juges ont décrété, il n'entendait rien à la poésie, c'était un ennemi des muses, un vrai Marsyas. Que n'a-t-il pas proféré en effet ? Racine, il a inventé le vers emphatique, Chateaubriand, le grand fauteur du style ampoulé, Hugo, il pourrait être un poète si seulement il apprenait à écrire en français, et dans ce cas-là, il pourrait être lisible. Eloa, une ex-larme devenue ange femelle, et qui, versée par la divinité, fait l'amour avec le diable. Tantôt sectaire en sa passion de la simplicité, tantôt trop spirituel, dans la grande loterie de la poésie, à tous les coups, il a l'air de perdre. Mais Lamartine dira bien plus tard, « J'appris qu'il aimait la poésie jusqu'à l'adoration. » Oui, amant de la poésie et poète lui-même, celui qui cherchait dans une disposition mélancolique les rêveries tendres et qui était fou des mille et une nuits, celui qui voyait passer dans ses imaginations trois personnages douloureux comme des génies enchantés et qui se nourrissaient de souvenirs plus que de réalité, celui qui transmuait en apparitions célestes les créatures de chair, qui écoutait les sons de cloches portées sur les eaux qui les adoucissent, ou les musiques aussi exaltantes que la présence d'une femme aimée. N'est-ce pas lui qui a écrit cette phrase, pareille au fragment d'un credo poétique « Les paysages étaient comme un archet qui jouait sur mon âme ». Lui qui a inventé des correspondances, et pour qui, par exemple, la ligne des rochers en approchant d'Arbois était une image sensible et évidente de l'âme de Méthilde. Lui qui, se remémorant son existence, découvrait que la rêverie était ce qu'il avait préféré à tout. Il a vécu, il a écrit, dans une sorte de frémissement continuel et pour les instants délicieux et si rares d'illusions parfaites, les instants terrestres des paradis retrouvés. Ces instants, jusqu'au seuil de la mort, il me les fera revivre. Thank you. Les éditions Fayard viennent de rééditer un ouvrage de André Mauroy qui réunit un ensemble de textes critiques qui vont de La Bruyère à Proust, de La Bruyère à Proust, c'est d'ailleurs le titre du livre. Au total, une quinzaine d'études où André Mauroy relie ses auteurs préférés pour les appréhender dans leur substance, qui est aussi la sienne, puisqu'il nous dit en exergue, et là André Mauroy reprend une phrase de Flaubert, qu'il faut lire les maîtres en tâchant de saisir leurs procédés et de se rapprocher de leur âme. Flaubert est du nombre, mais il y a aussi Stendhal. Parlant de Stendhal, André Mauroy cherche, comme dirait un psychanalyste contemporain, il cherche dans la constellation familiale de l'écrivain l'explication de cet état de tension, qui lui fit exalter avec tant d'intensité la valeur de sa personnalité et préserver aussi cette personnalité par l'action de devoir, de discipline, d'habitude tout intérieure. Léon Blum disait en ce sens que Stendhal est resté après 50 ans un vieux jeune homme, comme on en voit au Quartier Latin, un vieil étudiant. Donc, selon André Mauroy, Stendhal a haï tout le côté paternel de sa famille. En revanche, il en a adoré le côté maternel, les Gagnon. Son grand-père Gagnon, homme du XVIIIe siècle, qui vivait dans un état de bonheur ébloui, qui lisait Hippocrate et Horace. Puis il y a l'oncle Romain Gagnon, qui lui ne lisait rien et recevait des cadeaux de ses riches maîtresses. Enfin, la tante Élisabeth, qui a représenté pour Stendhal l'espagnolisme. Le caractère de Stendhal s'est donc formé vite et a varié peu, malgré sa vie nomade. Mais il y a chez Stendhal, comme plus tard d'ailleurs chez Nietzsche, une hiérarchie de valeurs. L'espagnolisme, eh bien, c'est la première des vertus dans cette hiérarchie. Et l'espagnolisme, c'est la bravoure du Cid, la bravoure de Don Quichotte, que Stendhal a lu tout enfant, la bravoure du Roland furieux d'Arioste, leur bravoure donc à ses héros et leur audace. Et c'est là le côté Stendhal professeur d'énergie qui fut célébré autrefois par Barrès. Mais une énergie dans l'émotion plus que dans l'action. Une énergie, on pourrait le dire, désintéressée. Une énergie complètement dépourvue du goût de la réussite, du sens de l'action, de la volonté de dominer. Une énergie que vient seulement fouetter les élans du cœur. C'est là un trait qui caractérise Stendhal, un trait qui le reporte par exemple bien loin de Balzac, et j'aimerais que André Mauroy nous précise ce caractère qui maintient la vie et l'œuvre de Stendhal dans une région très pure, très désintéressée, une région de solitude, de simplicité, mais aussi de grandeur. Eh bien, le caractère de Stendhal se compose d'abord de ce que vous appeliez très bien l'espagnolisme, c'est-à-dire la générosité, le besoin de ne pas être un être plat, un être bas. Aucune vanité. On n'a jamais vu un être humain parler avec autant de franchise et de sérénité de ce qui lui arrive de déplaisant, de honteux ou de désagréable. Le journal de Stendhal est un des documents les plus francs qui soient. Il n'a pas de vanité d'auteur non plus. Il considère ses livres comme des jeux amusants. Quand un livre est fini, après avoir lu les critiques, il le corrige encore. On a un exemplaire de La Chartreuse de Parme, entre toutes les pages duquel, après avoir lu la critique de Balzac, il a collé du papier blanc afin de recommencer son livre, non pas pour les lecteurs, mais pour lui-même. J'ai vu, à la bibliothèque de Grenoble, les manuscrits de Stendhal. Les notes marginales sont naïves et brutales. Parfois, il écrit à peu près « Ceci est absurde, mais il faut le laisser, cela amusera le lecteur ». Aucune vanité d'amant non plus, presque toutes les femmes qu'il a aimées ne l'ont pas aimé. Et il le note, il raconte comment il leur a longtemps fait la cour, comment tant d'efforts ont été vains, et comment au contraire les quelques femmes qui l'ont aimé sont justement celles qu'il n'aimait guère. Et je crois qu'il est assez curieux aussi de signaler combien dans sa vie l'ambition, dans la mesure où il y a cédé, est toujours représentée comme une défaillance passagère. Oui, aucune ambition en fait. Il n'a jamais rien obtenu du gouvernement de Juillet, sinon d'être un consul à Civitavecchia, poste vraiment médiocre. Mais d'ailleurs, il ne souhaite rien. Ami lecteur, ne passe pas ta vie à haïr et à avoir peur, dit-il. Et aussi, la vie est trop courte pour qu'on la passe à ramper sous quelques coquins misérables. En somme, il parvient à dominer par l'intelligence et l'espagnolisme les passions et les besoins des hommes médiocres. D'ailleurs, la gloire, pour lui, c'est finalement toujours quelque chose de modeste. On sait qu'il a misé sur la postérité, mais finalement, cette gloire de son vivant, c'est tout simplement du bien, de la plume et du livre, comme a pu l'écrire un poète. Au fond, c'est d'écrire, de faire des livres dans un grenier avec 100 louis de rente. D'ailleurs, Dans sa vie, c'est ainsi, mais dans ses romans, c'est la même chose. Et dans son roman posthume Lucien Levoine, autant que dans Le Rouge et le Noir, il s'en prend à toutes les précautions, à toutes les intrigues, à toutes les bassesses qui, selon lui, depuis l'avènement de l'Empire, sont devenues le moyen de parvenir. Mais si pendant toute sa vie, Stendhal a ainsi visé à se rendre indépendant, à vivre d'une manière tout intérieure, alors je crois qu'il serait bon de voir quelles sont ses idées, quelles sont les qualités de son esprit qui lui ont ainsi permis de ne prendre de la vie, de ne prendre du monde que ce qui lui convenait. Mérimée, qui le connaissait bien, disait que tout tenait pour lui dans le mot « logique ». Qu'y a-t-il de vrai dans ce jugement de Mérimée sur Stendhal ? Ce jugement est très vrai. Stendhal est un Français du XVIIIe siècle qui respecte la raison et la logique. Pour être un bon philosophe, dit-il, il faut être clair comme Voltaire et ne pas avoir d'illusions. Mais à cette logique, il mêle la poésie de Napoléon et aussi un système qu'il a, dit-il, appris des Italiens et qu'il appelle l'art de vivre. Stendhal prétend que nous, Français, avons souvent le désir des bonheurs de vanité et que nous ne jouissons pas des passions aussi complètement que, par exemple, les hommes de la Renaissance italienne. Lui, il aime les êtres qui s'abandonnent à leurs passions. La passion essentielle, c'est naturellement l'amour. Et sur l'amour, il écrit tout un traité. Il en distingue quatre formes. Le seul véritable est l'amour-passion. C'est celui où l'amoureux ne pense qu'à l'être aimé, où rien d'autre n'existe plus et où la vanité a complètement disparu. Au second rang, l'amour-goût. On s'intéresse encore beaucoup à l'être aimé, mais on s'intéresse en même temps à d'autres plaisirs, à des satisfactions d'argent ou de vanité. Ensuite, l'amour physique. Pour Stendhal, l'amour physique ne vient qu'en troisième rang. Et puis il y a enfin ce qu'il appelle l'amour-vanité, pour lequel il a un mépris profond. Alors là, nous retrouvons enfin combien sont justes ce qu'on a pu écrire sur Stendhal, à savoir que la vie amoureuse chez Stendhal, c'est toute la vie. C'est toute la vie pratique, c'est toute la vie active, c'est toute la vie créatrice, car il a mêlé finalement l'amour à tout, sauf à une chose, il ne l'a jamais mêlé à des combinaisons d'intérêts, ces combinaisons d'intérêts qui interviennent si souvent dans les romans de Balzac. Mais cette chasse à l'amour, comme dit Stendhal, chasse à l'amour, plutôt chasse au bonheur, mais les deux termes sont synonymes finalement chez lui. Eh bien, cette chasse au bonheur est toujours pour lui une voie rude, une voie menée impitoyablement pour vivre à la hauteur d'une âme qu'il a jugée lui-même mélancolique et folle. De même que le génie pour lui est une longue habitude à l'improvisation, l'amour exige de la force et de la constance. Lui qui pendant si longtemps a vécu dans l'armée, a voulu pratiquer la tactique du soudard, a voulu attaquer, en fait, il ne put jamais se résigner à la précipitation en amour. Et toute sa correspondance amoureuse est à cet égard enveloppée, délicate, tendre. Tout cela a été exprimé dans les thèses de l'amour, dont nous lirons un extrait tout à l'heure. Mais je voudrais tout d'abord demander à André Mauroy de commenter ces textes qui ont été si importants pour l'histoire de la sensibilité moderne. La thèse classique de l'amour, c'est celle de la cristallisation des sentiments. L'idée de Stendhal, c'est que l'amour, sentiment subjectif, dépend plus de celui qui aime que de la personne qu'il aime. Nous ne voyons pas la femme que nous aimons comme elle est, nous la parons de toutes sortes de qualités qu'elle n'a pas. Dans les mines de sel de Salzbourg, on dépose une branche morte, ce n'est qu'une brindille noire, laide, mais le lendemain, lorsqu'on revient, on la trouve couverte de cristaux de sel. Et alors la branche brille, elle est devenue un objet ravissant. Eh bien, la femme que nous aimons, dit Stendhal, est semblable à ce rameau de Salzbourg. En elle-même, elle n'est rien, mais par l'amour, et surtout par l'absence, par le doute, nous la parons de tous ces cristaux brillants, et nous arrivons à voir ainsi en elle ce qu'elle n'est pas. C'est une idée qui sera reprise plus tard par Proust. Alain disait: la plus grande force des femmes est d'être en retard et d'être absente, formule qui aurait plu à Stendhal et qui contient une des conditions de la cristallisation. Donc, subjectivité de la vie amoureuse, l'amour n'est qu'une forme de folie, puisque dans l'amour nous voyons les êtres autrement qu'ils ne sont, mais pense Stendhal, c'est une folie délicieuse et c'est la seule qui rende la vie digne d'être vécue. Ces thèses du livre de Stendhal de l'amour que André Mauroy vient de commenter Ces thèses sont évidemment une psychologie en action, tout en renfermant des petits faits, ces petits faits que Stendhal aimait, car chacun les reconnaît sans que personne ne les ait remarqués, ce qui permet de concilier l'esprit d'enquête et l'évidence. Eh bien, grâce à ces petits faits, le livre de l'amour compose une théorie générale des passions. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Stendhal a transposé ses idées sur l'amour et sur la passion dans des êtres imaginaires dont il veut raconter la vie avec vérité et avec clarté. « Je ne vois qu'une règle, disait-il, être clair. Si je ne suis pas clair, tout mon monde est anéanti. » Et être clair, pour lui, c'est écrire le plus près possible de soi, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a éprouvé. Et là-dessus, Stendhal et Chateaubriand, le vicomte et le lieutenant sont d'accord. Chateaubriand qui disait « On ne peint bien que son propre cœur en l'attribuant à un autre. » Une partie de l'art et du génie de Stendhal se compose ainsi de souvenirs. Et néanmoins, Stendhal a toujours pensé que l'art est un beau mensonge. Alors, comment procède-t-il pour mêler ainsi vérité et fiction, vérité et poésie? On en vient, je crois, ici à la question essentielle. Qu'est-ce que la création littéraire pour Stendhal? Et comment, selon quel schéma, Stendhal a-t-il réinventé des sentiments éprouvés ou rêvés? Et comment il a réussi à incarner ces sentiments dans des personnages? Vous connaissez ces montreurs de marionnettes que l'on voyait autrefois dans les villages et qui arrivaient avec une petite boîte dans laquelle il y avait un roi, une reine, le diable, le paysan. Stendhal est comme eux. Stendhal arrive devant chaque sujet avec sa petite boîte remplie de marionnettes. Quelles sont ces marionnettes? Il y a d'abord l'homme que Stendhal aurait voulu être. C'est un homme jeune, généralement beau, digne d'être aimé, mais timide parce qu'il est aussi capable d'aimer et par conséquent d'être troublé par ce qu'il aime. Plus, dit Stendhal, nous imaginons avec force la grandeur et la beauté de ce que nous aimons, plus nous sommes timides. Mais ce héros peut, lorsqu'il est, franchir par son courage et sa volonté tous les obstacles. Stendhal s'est amusé à représenter ce héros dans des situations très différentes. Dans Le Rouge et le Noir, il en fait le petit séminariste de l'histoire Berthet, c'est-à-dire un homme du peuple. Dans Lucien Leven, il ne sait plus à imaginer ce que lui, Stendhal, aurait été s'il avait été fils d'un banquier. Dans La Chartreuse de Parme, il se représente ce qu'aurait été Henri Bell s'il était né jeune prince italien. Ainsi, tous ses romans ne sont que des jeux qu'il se donne à lui-même et dont un Stendhal idéalisé est le protagoniste. La seconde marionnette, c'est la femme que Stendhal souhaite aimer. La femme qu'il souhaite aimer, c'est une femme qui n'existe pas, parfaitement belle, parfaitement pure, et qui pourtant devient sa maîtresse. Il n'y a, dit-il, que les âmes nobles qui méritent d'être aimées. Ce personnage, dans Le Rouge et le Noir, c'est Madame de Rênal, dans La Chartreuse de Parme, c'est Clélia Conti. Troisième personnage, la femme qu'il croit qu'il aurait été s'il avait été une femme. Ce personnage dans Le Rouge et le Noir, c'est Mathilde, c'est-à-dire une femme qui a comme lui l'énergie de la Renaissance, femme forte, alors qu'au contraire, la femme que Stendhal aime vraiment est une femme assez faible et qui se laisse dominer. Dans le roman qui a pour titre La Miel, Stendhal s'est donné à lui-même le jeu de se transformer en femme. Vous savez que lorsqu'on demandait à Flaubert qui était Madame Bovary, Flaubert répondait « Madame Bovary, c'est moi ». Stendhal aurait pu dire « La Miel, c'est moi ». Ou plus exactement, la Miel, c'est Julien Sorel. Quatrième marionnette, c'est ce qu'on pourrait appeler le Deus ex machina. Stendhal a toujours aimé à introduire dans ses romans un personnage puissant, bienfaisant, le magicien, celui qui d'un coup de baguette aurait fait de Stendhal un homme riche, honoré et capable de satisfaire tous ses désirs. Ce personnage, dans Le Rouge et le Noir, c'est M. de la Mole, le grand seigneur qui choisit Julien pour secrétaire et lui donne les possibilités de carrière rapide qu'il souhaite. Dans Lucien Leven, c'est le grand banquier Leven. Dans La Chartreuse, c'est le comte Mosca. Et toujours en opposition avec ce personnage bon et puissant, moqueur et qui cache sa bonté sous des dehors ironiques, il y a un coquin suprême, un grand coquin, le chef des coquins, qui lui au contraire est l'antagoniste et qui empêche le héros d'arriver à ce qu'il veut. Le schéma d'un roman de Stendhal est donc relativement simple. Ça n'empêche pas les romans de Stendhal d'être des chefs-d'œuvre, mais l'armature initiale ne change guère. C'est toujours l'histoire de l'apprentissage que fait de la vie un jeune homme, le désaccord entre l'univers féerique de l'enfance et l'univers réel. Stendhal prend un être jeune et généreux. Il le met en présence de deux types de femmes entre lesquelles cet adolescent est déchiré. Il le fait protéger par un être puissant. Il le fait combattre par un coquin. Et telle est la constance stendhalienne. Et en même temps, la constance stendhalienne, c'est son caractère, c'est la permanence, la stabilité de sa vie. Bien, je crois qu'en conclusion de cet entretien sur Stendhal, en marge de l'étude que André Mauroy a pu écrire dans son livre « De la Bruyère à Proust » qui vient de paraître chez Fayard, il me semble qu'on pourrait citer cette phrase d'une vieille amie de Stendhal, Madame Gautier. Cette phrase fut écrite 4 ans après la mort de Stendhal et il me semble qu'elle donne un jugement à la fois lucide et désintéressé sur le personnage. « Je me demande, écrit-elle, comment une âme si belle avait pu si souvent être méconnue. C'est qu'elle était vraie, c'est qu'elle était l'ennemie de l'affectation et que ses qualités heurtaient presque toujours les gens du monde. » Les livres de Stendhal sont composés d'observations. On en rencontre à chaque ligne, accumulées en petites phrases perçantes et serrées. Citons quelques textes et tout d'abord, lu par Sylvia Monfort, le fameux texte sur la cristallisation des sentiments extrait de l'amour. Texte que André Mauroy vient de commenter. À ce moment, Madame Gherardi jouait avec le joli rameau couvert de diamants mobiles que les mineurs venaient de lui donner. Il faisait un beau soleil. C'était le 3 août, et les petits prismes salins jetaient autant d'éclats que les plus beaux diamants dans une salle de bal fort éclairée. L'officier bavarois, à qui était échu un rameau plus singulier et plus brillant, demanda à Madame Gherardi de changer avec lui. Elle y consentit. En recevant ce rameau, il le pressa sur son cœur avec un mouvement si comique que tous les Italiens se mirent à rire. Dans son trouble, l'officier adressa à Madame Gherardi les compliments les plus exagérés et les plus sincères. Comme je l'avais pris sous ma protection, je cherchais à justifier la folie de ses louanges. Je disais à Guita, « L'effet que produit sur ce jeune homme la noblesse de vos traits italiens, de ses yeux tels qu'il n'en a jamais vu, est précisément semblable à celui que la cristallisation a opéré sur la petite branche de charmille que vous tenez et qui vous semble si jolie. Dépouillée de ses feuilles par l'hiver, assurément, elle n'était rien moins qu'éblouissante. La cristallisation du sel a recouvert les branches noirâtres de ce rameau avec des diamants si brillants et en si grand nombre que l'on ne peut plus voir qu'à un petit nombre de places ces branches telles qu'elles sont. Eh bien, que voulez-vous conclure de là, dit Madame Gherardi ? Que ce rameau représente fidèlement la Guita, telle que l'imagination de ce jeune officier la voit. C'est-à-dire, monsieur, que vous apercevez autant de différence entre ce que je suis en réalité et la manière dont me voit cet aimable jeune homme, qu'entre une petite branche de charmille desséchée et la jolie aigrette de diamants que ces mineurs m'ont offerte. Madame, le jeune officier découvre en vous des qualités que nous, vos anciens amis, nous n'avons jamais vues. Nous ne saurions apercevoir, par exemple, un air de bonté tendre et compatissante. Comme ce jeune homme est allemand, la première qualité d'une femme à ses yeux est la bonté, et sur le champ, il aperçoit dans vos traits l'expression de la bonté. S'il était anglais, il verrait en vous l'air aristocratique et ladylike d'une duchesse. Mais s'il était moi, il vous verrait tel que vous êtes. Parce que depuis longtemps, et pour mon malheur, je ne puis rien me figurer de plus séduisant. Oh, j'entends. Dit Guita. Du moment où vous commencez à vous occuper d'une femme, vous ne la voyez plus telle qu'elle est réellement, mais telle qu'il vous convient qu'elle soit. Vous comparez les illusions favorables que produit ce commencement d'intérêt à ces jolis diamants qui cachent la branche de charmille effeuillée par l'hiver et qui ne sont aperçus, remarquez-le bien, que par l'œil de ce jeune homme qui commence à aimer. C'est, repris-je, ce qui fait que les propos des amants semblent si ridicules aux gens sages qui ignorent le phénomène de la cristallisation. « Oh, vous appelez cela cristallisation ?» dit Guita. « Eh bien, monsieur, cristallisez pour moi. » Thank you. Après l'amour, la politique. Jacobin sous la Révolution, fasciné par Lafayette qui lui semblait un héros de Plutarque, puis par Napoléon, le seul homme qu'il respecta. Le jour où les Bourbons rentrèrent à Paris, Stendhal, il l'écrit lui-même, eut l'esprit de comprendre qu'il n'y avait plus que de l'humiliation pour qui avait été à Moscou. Il alla s'établir à Milan. Il vit la Révolution de 1830 de dessous les colonnes du Théâtre Français, crut trouver son idéal dans la monarchie constitutionnelle, puis déchanta. Au fond, Stendhal a regardé la politique de loin, et avec un soupçon généralisé qui lui fait voir partout intrigues et idées fausses. Ce sceptique sans ambition a imaginé pour ses personnages, lancés dans la politique, des tactiques défensives ou offensives, qui ont pu le faire considérer comme un maître de l'arrivisme. Quelques extraits de Lucien Leven, que va lire Renaud Marie, illustrent ses manigances et ses duretés, qui sont en fait l'armature protectrice d'une sensibilité très vive. Lucien Leven, sur le point de faire carrière, interroge son père, le banquier. « Et que désirez-vous que je sois ?» demanda Lucien d'un air simple. « Un coquin, reprit le père. Je veux dire un homme politique, un Martignac, je n'irai pas jusqu'à dire un Talleyrand. À votre âge et dans vos journaux, on appelle ça être un coquin. Dans 10 ans, vous saurez que Colbert, que Sully, que le cardinal de Richelieu, en un mot, que tout ce qui a été homme politique, c'est-à-dire dirigeant les hommes, s'est élevé au moins à ce premier degré de coquinerie que je désire vous voir. N'allez pas faire comme N, qui, nommé secrétaire général de la police, au bout de 15 jours, donna sa démission sous prétexte que cela était trop sale. Il est vrai que dans le temps, on faisait fusiller, frotter par des gendarmes chargés de le conduire de sa maison en prison. Les gendarmes savaient qu'il tenterait de s'échapper en route et les obligeraient à le tuer. « Ah, diable, mon jeune ami, comme disent les pères nobles, vous êtes étonné !»« On le serait à moins, répond souvent le jeune premier, dit Lucien. Je croyais que les jésuites seuls et la restauration... »« Ne croyez rien, mon ami, que ce que vous aurez vu et vous serez plus sage. » Citons une autre conversation de Lucien Leven avec son père, entretien qui se place cette fois sous Louis-Philippe. Stendhal, d'abord acharné orléaniste, comme je l'ai dit, la révolution de juillet lui semblait concilier tout ce qu'il désirait, la grandeur du pays et la liberté pour tous. Stendhal, donc, fut rapidement déçu. Louis-Philippe devint alors sous sa plume le plus fripon des rois. Sans nier la prospérité matérielle qu'apportait le régime, il regrette son manque d'héroïsme, son hypocrisie. « On fait des friponneries en parlant vertu et moralité », dit-il. Il redoutait aussi la politique du juste milieu, qui tue l'autorité et favorise le républicanisme dont il avait horreur depuis qu'un voyageur d'Édimbourg, Basil Hall, lui avait dit ce qui se passait aux États-Unis. Dans la guerre sale, vous dirigez, vous ne faites jamais. Voici le principe. Tout gouvernement, même celui des États-Unis, ment toujours et en tout. Quand il ne peut pas mentir sur le fond, il ment sur le détail. Ensuite, il y a les bons mensonges et les mauvais. Les bons sont ceux que croit le petit public de 50 louis de rente à 12 ou 15 000 francs. Les excellents attrapent quelques gens à voiture. Les exécrables sont ceux que personne ne croit et qui ne sont répétés que par les ministériels éhontés. Ceci est bien entendu. Voilà une première maxime d'État. Elle ne doit jamais sortir de votre mémoire ni de votre bouche. J'entre dans une caverne de voleurs. Mais tous leurs secrets, petits et grands, sont confiés à mon honneur. Le gouvernement escamote les droits et l'argent des populations tout en jurant tous les matins de les respecter. Vous souvenez-vous du fil rouge que l'on trouve au centre de tous les cordages, gros ou petits, appartenant à la marine royale d'Angleterre? Ou plutôt, vous souvenez-vous de Werther où j'ai lu, je crois, cette belle chose? Très bien. Voilà l'image d'une corporation ou d'un homme qui a un mensonge de fond à soutenir. Jamais de vérité pure et simple. Voyez les doctrinaires. Les mensonges de Napoléon n'étaient pas aussi grossiers à beaucoup près. Il n'y a que 2 choses sur lesquelles on n'est pas encore trouvé moyen d'être hypocrite. Amuser quelqu'un dans une conversation et gagner une bataille. Du reste, ne parlons pas de Napoléon. Laissez le sens moral à la porte en entrant au ministère, comme de son temps on laissait l'amour de la patrie en entrant dans sa garde. Dans son journal, dans Henri Brûlard aussi, à mesure qu'il vieillit, Stendhal constate en lui un obstacle intime, irréductible, qui fait de lui un incurable isolé. Avec son tempérament positif, il a essayé d'en définir les causes apparentes, et, d'accord avec les romantiques, il voit tout le vide de ses explications. Il sent que le hasard l'a fait ainsi. « Je suis étrange dans le bonheur, disait-il. Rien ne le rend d'ailleurs plus pensif, comme on le voit bien dans cet extrait de Henri Brûlard que va lire Renaud Marie. « Je n'avais confiance en personne. J'avais entendu les prêtres de Séraphie et de mon père se glorifier de la facilité avec laquelle ils menaient, c'est-à-dire ils trompaient telle personne ou telle réunion de personnes. La religion me semblait une machine noire et puissante. J'avais encore quelques croyances en l'enfer, mais aucune en ces prêtres. Les images de l'enfer que j'avais vues dans la Bible in octavo, reliées en parchemin vert avec figures, et dans les éditions du Dante de ma pauvre mère, me faisait horreur, mais pour les prêtres, néant. J'étais loin de voir ce qu'elle est en réalité, une corporation puissante et à laquelle il est si avantageux d'être affilié. Témoin, mon contemporain et compatriote, le jeune Genoux, qui s'en bas m'a souvent servi du café au café Genoux, au coin de la grande rue et de la rue du département, et qui depuis 20 ans est à Paris, monsieur de Genoux. Je n'avais pour appui que mon bon sens et ma croyance dans l'esprit d'Helvétius. Je dis croyance exprès. Élevé sous une machine pneumatique, saisi d'ambition, à peine émancipé par mon envoi à l'école centrale, Helvétius ne pouvait être pour moi que prédiction des choses que j'allais rencontrer. J'avais confiance dans cette longue prédiction parce que 2 ou 3 petites prédictions, aux yeux de ma si courte expérience, s'étaient vérifiées. Je n'étais point ficelle, fin, méfiant, sachant me tirer avec un excès d'adresse et de méfiance d'un marché de 12 sous, comme la plupart de mes camarades, en comptant les morceaux de coteret qui devaient former les falourdes fournies par l'hôte, comme les Montval, mes camarades, que je venais de retrouver à Paris et à l'école où ils étaient depuis 1 an. J'étais dans les rues de Paris un rêveur passionné, regardant au ciel et toujours sur le point d'être écrasé par un cabriolet. En un mot, je n'étais point habile aux choses de la vie et par conséquent, je ne pouvais être apprécié, comme dit ce matin je ne sais quel journal de 1836, en style de journal qui veut faire illusion sur la pensée nulle ou puérile par l'insolite du style. Et maintenant, après ce Stendhal témoin de lui-même, ce Stendhal de Henri Brûlard, voyons-le dans ses développements tels qu'il s'est incarné et idéalisé dans ses personnages. Que reste-t-il de Stendhal dans le personnage de Fabrice, par exemple? Eh bien, c'est ce que nous avons demandé à Henri Guillemin de préciser. L'idée de la charte de Parme semble être venue à Stendhal au mois d'août 38, quand il lisait dans les chroniques italiennes l'origine della grandezza della famiglia Farnese. Je crois que c'est alors qu'il a noté cette indication « To make of this sketch a romanzetto ». Il s'y met le 4 novembre. Il aura fini le 26 décembre, c'est un record. L'ouvrage est volumineux au point qu'il faudra même l'amputer d'un quart ou d'un cinquième. C'est du travail mené dardard, le tambour battant à fond de train à la diable. 20 à 30 pages par jour. Et probablement des pages, je crois, enfin dictées plutôt qu'écrites. La Chartreuse paraîtra en 2 volumes in octavo au début d'avril 1839. Et pour ce qui est de l'intrigue, comme on dit, ou du scénario, Stendhal en a pris à son aise. L'épisode de la fouille du carrosse du meurtre, le héros incarcéré, son évasion, vous savez, par le moyen d'une corde et ses amours, avec cette Cléria, à qui Stendhal n'a changé qu'une consonne pour faire d'elle Clélia Conti, pas moyen de le contester, tout ça c'est dans les chroniques. Et pas même n'appartient à Belle le nom de Ferrante Palla. Il a tout simplement raccourci celui de Pallavicino, et pas non plus le nom du comte Mosca qu'il a pris tout cru à un personnage existant. Bon, on peut dire qu'il emprunte de toutes mains. À l'Arioste, à Cellini, aux mémoires d'Andriane, comme aux prisons de Pellico. Et après, Jean-Paul Richter avait dit sur les emprunts des auteurs une petite phrase que je voudrais vous dire. Un auteur qui emprunte un caractère à un autre auteur n'y gagne rien s'il est un petit auteur. car il faudrait qu'il lui empruntât en même temps un autre moi. Eh bien, tout est là. C'est l'évidence. Qu'est-ce que ça peut faire? Ou Virgile, ou Shakespeare, ou le Victor Hugo des Misérables, ou Stendhal, la Charte de Parme? Qu'est-ce que ça peut faire l'endroit où ils ont attrapé telle idée, où ils ont saisi au vol tel détail, où ils ont même dérobé tel mot, si on veut, telle image? Ce qui compte, c'est leur nature. Nature du fond, enfin, irremplaçable, c'est ce que deviennent ces empreintes dans la personne que constituent Virgile, ou Shakespeare, ou Stendhal. Et beaucoup plus que de savoir ce qu'il a tiré des chroniques, il est intéressant de connaître ce qui, dans sa vie réelle, a passé dans son ouvrage. Souvenir du champ de bataille de Bautzen, il avait vu, en 1813. Souvenir d'Angiola. Souvenir de Méthilde. Si le père de Fabrice est odieux, c'est que Stendhal n'aimait pas son propre père. Et si la mère de son héros n'a pour nous qu'un visage brumeux, c'est que Henri Bell avait 7 ans lorsque sa mère disparut. Eh bien, il a 55 ans, maintenant. Il ne se doute pas qu'il est presque au terme de sa vie. Encore 4 ans, à peine 4 ans, et il mourra. Mais tout se passe, à son insu, voyez-vous, comme s'il se donnait, avant de mourir, une grande fête d'illusions. Entre Le Rouge et le Noir et La Chartreuse, il y a seulement 8 ans. Et pourtant, quelle distance entre les deux livres, comme l'accent a changé. Il n'a qu'à mettre Julien et Fabrice côte à côte. Vous vous rappelez le dur Julien, tendu à vide, et Fabrice, dont Stendhal lui-même nous dit « cette âme naïve », ou encore, je cite, « un de ces cœurs de fabrique trop fines et qui ont trop de feu pour les âmes prosaïques ». Il est tellement plus Rastignac, ce Fabrice, avec sa ressemblance d'Ariel. C'est Jean Prévost qui a dit sur lui un mot juste et beau. C'est l'enfant, disait Jean Prévost, c'est l'enfant que Stendhal a eu en rêve avec sa maîtresse l'Italie. Stendhal est maintenant cet homme gras, au sourire de coin, qui regarde loin de lui sa jeunesse. Il pose roué, il tient volontiers les propos obscènes, il rit trop et à contre-temps, il jouit de paraître grossier. La petite Madame Sand s'agace à le voir sur le bateau qui descend le Rhône, gambatté autour de la table après boire, avec ses grosses bottes fourrées. Il est ravi d'écrire dans l'avertissement de sa chartreuse « Prenez garde, cette histoire n'est rien moins que morale. Et maintenant que vous piquez en France de pureté évangélique, elle peut vous procurer le renom d'assassin. » Il proclame « Tout ce qui en vaut la peine dans ce monde est soi. » Paisible consul, comme vous savez, il arbore la devise « Vivre dangereusement ». Au vrai, Stendhal se livre à personne. Sa célèbre chasse au bonheur, à présent, n'a plus lieu qu'en songe, qu'en esprit. Il y délègue Fabrice et son enthousiasme. Que de fois ce mot au long des pages. Fabrice, qui n'aurait jamais été amoureux, dit-il, s'il n'avait lu sur l'amour dans les livres tant de belles choses. Il s'amuse, il veut se distraire, son sujet l'enflamme. Conseil de lui à un jeune écrivain. Dès la 6e page, ou tout au plus à la 8e, il faut des aventures. Alors il s'en donne à cœur joie. Il compose des mémoires imaginaires. Il sait bien que c'est pas vrai, que la vie est beaucoup moins drôle. Mais à quoi serait bonne l'imagination? Sinon à ça, justement, prendre une revanche, rêver des folies. Le même homme, qui ne serait pas mécontent de se faire prendre pour un don juan, fût-ce un don juan honoraire, ce même homme avoue tout bas l'état habituel de ma vie a été celui d'un homme malheureux. Cet homme qui feint de prendre en pitié son Fabrice parce qu'il ne sait pas manœuvrer les femmes, parce qu'il se montre le naïf d'une complète et déplorable ignorance en ce genre de guerre, comme il dit, et bien ce même homme enregistre, en secret, avec toutes les femmes que j'ai aimées, j'ai toujours été un enfant. Il dit qu'il ne songe qu'à lui, son drapeau c'est l'égotisme, il a besoin de personne, et le 9 juin 1841, dans 10 mois il sera mort, il note « J'ai deux chiens que j'aime tendrement. J'étais triste de n'avoir rien à aimer. » Ses maîtres spirituels, ses maîtres à penser comme on dit, jusqu'à la fin, et il en tirera gloire, s'appellent Helvétius, les idéologues. En mars 41, il s'impatiente encore de toutes les niaiseries, écrit-il, qu'on nous a mises dans la tête à 3 ans. Puérilité absurde, chimère, qui gâte ici-bas toutes sortes de bonnes choses et nous rendent la mort sous nos latitudes si désagréables, comme il écrit. Helvétius et les idéologues et Voltaire, ils n'auraient pas beaucoup aimé la visite que fait Fabrice à l'abbé Blanès. Ils auraient encore moins aimé les dernières pages du livre. Que ne s'achève-t-il sur cette porte ouverte dans la nuit et que l'Elia qui se rend enfin « Entre ici, ami de mon cœur. » Eh bien, Stendhal a voulu délibérément une autre conclusion. Elle tient en peu de lignes. Elle occupe la place de tout ce qu'il a supprimé pour abréger ce récit que l'éditeur avait jugé trop long. Mais elle est là, la conclusion. Elle est là, rapide, amère, et pourtant sereine, pleine d'une grande paix jusqu'alors inconnue. Comme si Stendhal laissait exprès, avec une espèce de pudeur, le dernier mot, malgré tout, contre le rêve et les folies, à la vérité telle qu'elle est. Alors je vous cite. « Ne nous faisons point illusion », avait murmuré Clélia à Fabrice. « Comme il y a du péché dans notre amitié, je ne doute pas qu'il nous arrive malheur. » Et Fabrice, quand Clélia est morte, s'il espère de toute son âme la retrouver dans un monde meilleur, comme on dit, il n'ignore pas non plus qu'il aura d'abord, je cite, qu'il aura d'abord beaucoup à réparer. Ainsi, ce qu'avait dit l'abbé Blanès trouve à la fin confirmation. Cette chartreuse, dans les bois voisins du Pau, à 2 lieues de Sacca, elle n'apparaît qu'une seconde. Est-ce qu'elle compte si peu pour Stendhal, alors qu'il a choisi cependant d'inscrire ce nom au seuil de son ouvrage? L'énergie, le courage, les êtres de rapte et de lutte, fidèles à eux-mêmes coûte que coûte, et qui vont fougueusement et tout droit vers ce qu'ils ont juré d'étreindre, les voilà, les amours de Stendhal. C'est pas un si piètre objet. Si lui-même ignore ce qu'il aime au juste chez ces violents, son génie le sait pour lui. C'est quelque chose d'incompatible avec la bassesse, et qui n'est ni la convoitise ni l'ambition. Nulle part, enfin je trouve nulle part, n'affleure mieux son âme profonde, sa préférence essentielle, que dans cette chartreuse que voici. Ce qu'il aime, ce sont les cœurs purs. Ce qu'il déteste, comme Rimbaud, ce sont les assis. Dans son journal, Stendhal a noté, à son sujet, avec ce goût qu'il avait de se mettre lui-même dedans, « Sublime dans tes châteaux en Espagne extraordinaires, point bon dans le monde. » Avec André Mauroy, nous avons vu comment cet homme à qui le rêve était nécessaire a réussi à former ses rêves et à leur donner force d'illusion. Tantôt incarnation, comme Julien Sorel, ou compensation, comme Lucien Leven, tantôt fils chéri, comme Fabrice Del Dongo, dont vient de nous parler Henri Guim. Tous ces personnages sortent de lui. Il y rassemble les tronçons de sa personnalité, souvenirs, habitudes, penchants, réactions, dans la fiction d'un caractère romanesque qu'il porte à la puissance de l'univers aventureux du roman. Ces personnages, engendrés des variétés de son existence, deviennent à la fin, comme l'a dit Jean Prévost dans son beau livre sur la création chez Stendhal, des enfants émancipés. Oui, Prévost a raison, des enfants émancipés qui se dispersent, vivent ce que leur auteur n'a pas connu, s'élèvent au plus haut degré d'énergie et d'audace, se substituent à lui dans la complication des aventures, mais néanmoins résultent de lui, car la profonde note d'existence du créateur domine tout le jeu romanesque. Méditant autrefois sur le cas Stendhal, Paul Valéry, songeant aux efforts nécessaires pour mettre ainsi ses pas dans ses pas, recommencer ses propres états, les attribuer à d'autres, tout en serrant à l'extrême le monologue intérieur, Paul Valéry donc disait que l'essentiel de Stendhal, c'est son refus d'être semblable, son refus d'avoir des semblables, son refus d'accorder l'existence à ceux qui sont apparemment et raisonnablement nos semblables. Stendhal serait donc un monsieur test avant l'heure, dont l'existence infirmerait toutes les autres. Paul Valéry rapprochait aussi Stendhal de ses Anglais, délibérément originaux, qu'on voyait alors en Italie, très excentriques et très occupés de lettres. Mais citons, par la voix de René Clermont, ce texte de Paul Valéry. Tout être fort et pur se sent autre chose qu'un homme et refuse et redoute naïvement de reconnaître en soi l'un des exemplaires indéfiniment nombreux d'une espèce ou d'un type qui se répète. Dans toute personne profonde, quelque vertu engendre incessamment un solitaire. Elle ressent par instant, au contact ou au souvenir des autres êtres, une douleur particulière dont la sensation est brusque et les perce et les fait se resserrer aussitôt dans une île intime indéfinissable. C'est un accès réflexe d'inhumanité, d'antipathie invincible qui peut s'avancer jusqu'à la démence, comme il advint à cet empereur qui souhaitait que toute la race humaine n'eût qu'une seule tête que l'on tranchât d'un seul coup. Mais chez des êtres de nature moins brutale et plus intérieure, ce sentiment si énergique, cette obsession de l'homme par l'homme, peut enfanter des idées et des œuvres. La victime du mal de n'être pas unique se consume à inventer ce qui la sépare des autres. Se rendre singulière est sa manie. Et peut-être n'est-ce pas tant de se placer au-dessus de tous qui la travaillent et la tourmentent que de se mettre tout à l'écart et comme au-delà de toute comparaison. Les grands hommes font sourire certains hommes incommensurable. Peut-être l'immense péché, le péché métaphysique par excellence, que les théologiens ont nommé du beau nom d'orgueil, a-t-il pour racine dans l'être cette irritabilité du besoin d'être unique? Stendhal a-t-il été ainsi l'unique, l'être original hanté par la tentation du solipsisme? C'est autour de cette question que Pierre Cipriot va dialoguer avec Pierre Moreau, professeur à la Sorbonne. À la recherche des lois du fonctionnement de son cœur, de son imagination et de son esprit, Stendhal s'est isolé, il s'est peu soucié des conditions générales et communes auxquelles il a été soumis. Nous savons qu'il voulait penser pour lui et que son seul souci était, en pensant pour lui, de raisonner juste. Même la culture, s'il semble y attacher un certain prix, en même temps, il la relègue puisque s'il pense le passé, il veut que ce soit à partir du présent. Quand il décrit la vie de son temps, il voit les choses comme elles sont, les déchiffre mot à mot, et puis il passe. Le reste, pour lui, les commentaires, les programmes, tout cela est philosophie, il ne veut pas en faire. Donc, apparemment, Stendhal est nu, il est libre et il est direct. Pourtant, les pensées les plus originales sont toujours le résultat d'une éducation, d'une vie, et les vives réactions de Stendhal à ce qui l'entoure sont déjà la preuve que ce milieu auquel il a opposé toute la résistance possible, ce milieu a compté pour lui. Nous savons déjà que sa naissance en Dauphiné a fait de lui un roturier, un provincial et un enfant rétif à son père. Nous savons aussi que sa jeunesse est un bizarre produit de la mélancolie et des rêves, et qu'il dut ensuite faire effort pour apprendre à vouloir. Mais d'où vient ce défaut profond d'adaptation? Le provincialisme, y suffit-il? C'est la première question que je voudrais poser à Pierre Moreau. Je crois en effet que Stendhal s'est dressé contre un milieu, que toute sa formation a été une formation de résistance et d'indépendance. Il a prétendu affranchir son « moi » des contraintes de la famille. Il n'en reste pas moins que ce moi insolent a gardé, en dépit de lui-même, une espèce de pudeur dont le romantisme ne viendra jamais à bout. Il se dissimulera, anonymat, pseudonyme, voileront ce cœur susceptible qui aime mieux mystifier que toucher. Et il proteste. Quand on le confond avec ses personnages, il prend plaisir à brouiller les dates, à brouiller les faits, à donner un air d'énigme à ses confessions. Je crois que les deux éléments contraires de son caractère ou complémentaires, l'ironie et la timidité, répriment cette nature de feu. Et cela, c'est l'héritage d'une famille bourgeoise, dans une âme qu'il a renie. Il a fait deux parts dans sa famille. Il y avait là les bourgeois, qu'il abhorrait, son père, qu'il trouvait si laid quand il pleurait sa mère morte, et à qui il demande 5 sous par jour pour le quitter pour vivre à sa guise. Une de ses tantes, une de ses sœurs. Mais dans le camp adverse, il y a les passionnés, il y a les libertins, ceux qu'il peut tourner au romantisme ou à l'idéologie. C'est sa sœur Pauline qu'il a aimée d'une amitié vraiment fougueuse, qu'il a dressée contre son père, qu'il endoctrinait de conseils d'anarchie. Il y a la famille maternelle, ce sont les Gagnons. Les Gagnons, c'est-à-dire surtout l'oncle Romain Gagnon qu'il admire, d'être le plus mauvais sujet de Grenoble, et surtout le grand-père qu'il chérit pour son 18e siècle de philosophe et de médecine galante et diserte. C'est par conséquent un révolutionnaire que nous avons devant nous, et je crois que dans la formation de Stendhal et du stendhalisme qui suivra, c'est le prestige révolutionnaire que nous trouvons, avec son corollaire ou avec sa suite, le prestige impérial. Donc, dans l'ombre de cet oncle et de ce grand-père, on peut dire que Stendhal s'est implanté, s'est développé dans un XVIIIe siècle. Ce XVIIIe siècle, c'est surtout pour lui un XVIIIe siècle qu'il a reconstitué à partir de ses lectures, à partir de ses rêveries. C'est un XVIIIe siècle de chimère. Alors la chose curieuse, cet écrivain qui passe à nos yeux pour Voltaire, en fait, on s'aperçoit quand on le lit dans le détail, qu'il y a chez lui toutes sortes de faiblesses, toutes sortes d'hésitations. On peut même dire qu'il a constamment oscillé entre la dépréciation pessimiste de lui-même, se compter pour zéro, je suis au total un être bien plat, bien vulgaire, bien ennuyeux pour les autres, se dit sans cesse Julien Sorel, et Delescluze pouvait dire de Stendhal, Bell est un homme singulier, je crois que j'ai de lui une idée plus favorable qu'il ne l'a de lui-même. Donc Stendhal a oscillé entre cette dépréciation et, comme il le dit lui-même, un orgueil du diable, orgueil allant jusqu'à l'arrogance, et on a même l'impression que par moments il déteste l'humanité. Le monde ne vaut rien. Pourtant, dans tout cela, il y a une époque de sa vie où il semble ne plus recourir à cette constante occupation de soi qui l'a conduit tantôt vers l'ironie, tantôt vers la timidité, comme nous le disait à l'instant M. Pierre Moreau. Et M. Pierre Moreau nous disait que Stendhal a aimé la Révolution. En effet, il sera jusqu'à sa mort un défenseur acharné du dogme nouveau de l'égalité, et il a aimé surtout Napoléon, comme si le piquant, comme si le rugueux de l'époque impériale avait excité le nerf de son orgueil et de son honneur, avait libéré sa fierté indisciplinée. C'était la destinée de Napoléon, ce serait un jour la mienne, dit Julien Sorel au cours de sa fameuse méditation sur le rocher. Eh bien, je crois qu'il faudrait maintenant établir ce lien qui existe, qui a duré pendant toute sa vie, entre Stendhal et Napoléon. Oui, je dirais d'abord entre Stendhal et les grands héros de la Révolution. Dans Henri Bell, bouillonne une violence sans pitié et une espèce de logique féroce. C'est ainsi qu'il s'est pris à aimer la Révolution qui persécutait son père, et parce qu'elle le persécutait. Quand tombe la tête de Louis XVI, cette nouvelle qui jette son père dans une émotion indignée, emplit d'une véritable volupté l'enfant de 10 ans. Et il nous dit qu'il ferme les yeux pour pouvoir goûter en paix ce grand événement. Quand la terreur à Grenoble fait monter 2 prêtres sur l'échafaud, il avoue qu'au milieu de l'horreur de sa famille, il ne se défendit pas d'un sentiment de plaisir. Dès lors, il était avec les hommes de la Révolution, et en particulier avec Danton, prêt à donner Danton comme héros au Julien Sorel de son roman « Le Rouge et le Noir ». La Révolution, et puis ensuite Napoléon, lui ont montré la beauté de l'action et l'ivresse grandiose du triomphe. Or, il se trouve que les circonstances de sa vie l'ont associé, dans sa carrière obscure, à cette épopée triomphante de l'empereur. Après avoir passé par l'école centrale de Grenoble, Henri Bell est venu à Paris en 1799, chez ses parents les Daru. Après quelques mois de bureau au ministère de la guerre, il a obtenu en 1800 un brevet de lieutenant au 6e dragon, et ce sera une carrière très intermittente et très capricieuse. L'armée d'Italie, qui ne l'a pas gardé longtemps, il est revenu à Paris. Le commerce et l'amour l'ont conduit quelque temps à Marseille, et nous le trouvons en 1806, adjoint provisoire au commissaire des guerres, et il part pour l'Allemagne, et pendant 8 années, il verra l'Europe à la suite de la Grande Armée, l'Allemagne, la Russie, et au dernier jour de l'Empire, il fera encore la campagne du Dauphiné. Au milieu des grandes choses, Il conserve l'affectation d'indifférence, du curieux insensible que rien ne peut émouvoir. La bataille n'est pour lui qu'une suite d'épisodes sans lien. Mérimée, dans sa très curieuse petite biographie intitulée H.B. Henri Bell, nous rapporte le mot qu'il arracha un jour à son parent, M. Daru, le jour où il se présenta rasé et habillé avec soin en pleine retraite, non loin de la Bérésina. Et Daru lui dit « Vous avez fait votre barbe, vous êtes un homme de cœur. » C'est qu'en effet, Henri Bell rougirait d'une faiblesse et que la guerre, comme la vie, est à ses yeux un jeu supérieur fait pour exercer l'esprit, cet esprit de combinaison précise et rapide où il voit le vrai génie, celui de Napoléon. Napoléon, n'est-ce pas, ça a été le grand maître, non pas de la guerre seulement, mais de l'art, l'acteur sans égal qui a joué son rôle avec un bonheur inouï. Et aussi, quel modèle de style que ceux de Napoléon, même son code civil et les livres qui nous viennent de Sainte-Hélène. On peut dire que presque tous les héros de Stendhal sont dominés par cette destinée éblouissante. Et lui-même, Stendhal, il consacre à l'histoire du grand homme un travail sans fin. Et la Révolution et l'Empire ont eu pour lui cette conséquence illimitée de le conduire en Italie. Oui, parce que ce Stendhal qui bourlingue avec les armées de Napoléon, donc entre en Italie en 1801, tout le monde a dans la tête ce début de la Chartreuse de Parme qui exprime justement cette jubilation extraordinaire de l'armée française entrant en Italie et y trouvant la confirmation de tout ce qu'elle attendait. Et ce fut le cas de Stendhal. Stendhal entrant en Italie en 1801, rencontra aussitôt tout ce qu'il avait vaguement entrevu dans sa jeunesse, la vie sentimentale, les paysages et les grandes écoles de peinture. Cette impression a été si forte que dès qu'il pourra obtenir un congé 10 ans après, alors qu'il est auditeur au Conseil d'État, eh bien, il retourne en Italie. Et alors il écrit dans son journal « Mes souvenirs, alors, n'étaient point amortis. Ils ont été vivifiés par un amour extrême. » Je ne puis faire un pas dans 1000 ans sans reconnaître quelque chose. Il y a 11 ans, j'aimais ce quelque chose parce qu'il appartenait à la ville qu'elle habitait. Elle, c'est la signora Pietra Grua, dont il avait été le trop discret amoureux. Tous les commentateurs de Stendhal ont dit que l'Italie l'a aidé à se comprendre lui-même. Il s'y est reconnu entièrement. Il faudrait, je crois, alors ici préciser ce qu'il y avait de semblable entre Stendhal et l'Italie, ou si l'on veut, comment l'Italie, à ses yeux, s'est faite stendhalienne. C'est vrai, il y a eu une rencontre, presque fortuite d'ailleurs. C'est l'époque napoléonienne qui a décidé de sa vie en le conduisant en Italie. Et d'ailleurs, qu'était-ce que Napoléon lui-même, selon lui ? Sinon un Italien des temps héroïques, un condottiere. Ce n'est pas seulement à une mode générale qu'il obéit quand il passe les Alpes, à cet attrait de nouveauté qui suscite vers la même époque la Corinne de Madame de Staël. Il y a des souvenirs qui ont embelli pour lui à distance l'Italie entrevue en 1800. Il y a des noms de femmes, vous venez de rappeler Angela Pietra Grua, mais il y a aussi Mathilde Dembowski, il y a aussi cette Giulia qu'il a demandé en mariage, et tous ces noms résonnent dans ce seul nom d'Italie. De séjour en séjour, en 1811, en 1813, et puis durant les 7 années enchantées d'abord, où il va oublier à Milan la France de la Restauration, et puis, plus tard, pendant les années finales, ces années de consul à Civita Vecchia, sous la monarchie de Juillet, il a vraiment amassé ce trésor de notes, ce trésor d'impressions, d'où sortent tant de pages de son journal et tant de livres sur la peinture, vous venez de la rappeler, sur la musique, sur les flâneries du touriste, et encore et surtout sur l'amour. Certes, il plagie si effrontément ses prédécesseurs qu'il jouerait de mauvaise grâce à l'initiateur, mais auprès de ses prédécesseurs, il marque sa place à part, et c'est sa place romantique. Alors là, nous rencontrons un mot qui me paraît capital, c'est ce mot de romantique. Place romantique, en effet, parce que il lie la cause de la musique italienne à celle du romantisme. Avec sa vie de Rossini, il défend cette mélodie voluptueuse à laquelle certains Français trouvent trop de douceur. Et parmi les peintres, il va au plus suave, il va à la volupté du Corrège. Quant à la littérature italienne, c'est elle qui l'a converti à ce qu'il n'appelle pas le romantisme, à ce qu'il appelle le romanticisme, celui du groupe milanais du Conciliator. Oui, c'est cela l'Italie pour lui, c'est la terre de l'amour. Et c'est celle de l'énergie aussi. Les mœurs sont libres, elles sont naïves, point de cette noblesse classique dont un Français ne s'affranchit guère. Il lit des mémoires de Benvenuto Cellini, il remue les chroniques, les manuscrits, il évoque un XVIe siècle violent et sanglant. Car on le sait bien, le XVIe siècle, c'est le siècle de Stendhal, pour l'Italie comme pour la France. Aujourd'hui, en ce plat XIXe siècle, comment la France lutterait-elle d'énergie avec ce pays où, comme il dit, la plante homme est plus robuste qu'ailleurs, ce pays où le ridicule n'existe pas, où peut s'épanouir un orgueil comme celui de Alfieri. En fin de compte, ce que Stendhal fuit à la Scala, c'est l'ennui. C'est l'ennui des villes du Nord, c'est la société réglée, despotique. L'Italie de Dante, l'Italie de Monti, lui fait mépriser ce qu'il appelle les délicatesses monarchiques de Racine. Et c'est à elle, plus encore qu'à Shakespeare, qu'il doit son éloignement à l'égard de la tragédie classique française. Maintenant, il y a un autre aspect chez Stendhal. Nous venons de dégager avec Pierre Moreau un aspect romanesque, tendre, un Stendhal qui s'efforce de suivre ses rêves et qui trouve la confirmation de ses rêves en Italie. Il y a aussi chez lui de l'acuité psychologique, une maîtrise, une certaine dureté même à l'égard du monde. Et Léon Blum, dans son ouvrage « Stendhal et le bellisme » que Julien Quin présentera tout à l'heure, Léon Blum analyse chez Stendhal un phénomène qui est assez typique, qu'il appelle l'imagination renversée. Qu'est-ce que c'est que l'imagination renversée? Eh bien, c'est une imagination qui est nourrie par la lecture, nourrie par le rêve, qui projette vers l'avenir, ou comme nous venons de le voir, vers l'Italie, une vie d'amour, de succès, de sympathie partagée, de jouissance artistique. Puis, devant la résistance du réel, comme le faisceau lumineux qui s'est heurté à un obstacle, eh bien, cette imagination se retourne de tout son élan contre elle-même. Je crois que cette analyse de Léon Blum est juste. Il y a des moments, en effet, où Stendhal verse dans l'ironie et la dureté par crainte de s'attendrir de nouveau. Et il se surveille lui-même, il s'indigne ou se moque et, en tout cas, ne se laisse jamais deviner, ne laisse rien percer de ses sentiments. Alain disait de même que Stendhal se meut entre deux ennemis, l'emphase et l'esprit. Eh bien, je crois qu'après l'emphase italienne, qui l'a tiré, comme vient nous le dire Pierre Moreau, de l'ennui, il faudrait faire une place à ce que Alain appelait l'esprit, et qui est une notion extrêmement générale et néanmoins très typique de la conscience stendhalienne. Je crois que nous pourrions conclure ainsi. Au mot « esprit », je substituerais volontiers pour ma part le mot « intelligence ». C'est l'intelligence qui préside à tous les jeux et surtout aux jeux de la guerre et de l'amour. Il faut toujours, avec Stendhal, faire des plans de campagne, il faut toujours se tenir en garde, et surtout en garde contre soi-même. Cela, c'est une attitude de roué, et de roué du XVIIIe siècle. Mais je dois ajouter, car sans cela le portrait serait peut-être incomplet, que la rouerie de ce disciple du XVIIIe siècle n'est pas bon teint. Il éprouve le besoin inavoué des aveux. Il n'est pas sincère dans sa résistance à la sincérité. Et il est las, au fond, d'un monde où les vrais sentiments sont obligés de se masquer, de se glacer, où les êtres ne se font jamais connaître tels qu'ils sont. Sous tout cet appareil étalé d'orgueil, il me semble que survit un cœur qui finit par se trahir. Au caprice a succédé le calcul, au calcul a succédé l'idée fixe, mais l'idée fixe devient la faculté unique dans laquelle toutes les autres s'abîment. Elle détruit, on peut le dire, tout l'édifice savant des ambitions clairvoyantes. À son état le plus aigu, elle n'aspire qu'à la solitude. Qu'on se rappelle les pages les plus profondes, qui soient dans la Chartreuse de Parme et dans le Rouge et le Noir. Fabrice dans la Chartreuse de Parme. Julien dans le Rouge et le Noir ne consentent pas à sortir de leur prison. S'il existe un idéalisme stendhalien, c'est cela. C'est ce rêve d'un bonheur. Il a beaucoup parlé de la chasse au bonheur. Mais il y a un bonheur supérieur à la chasse au bonheur. Un bonheur qui détruit tout ce qui n'est pas lui-même, violent comme les beaux crimes, convulsif comme une maladie sacrée, et en fin de compte désintéressé comme les chefs-d'œuvre de l'art. Et peut-être un dernier mot pour dire que cet homme que Pierre Moreau nous a présenté comme assez secret, néanmoins a passé sa vie à s'interroger sur lui-même, à s'observer d'une manière extrêmement méticuleuse. Le premier, il a eu conscience de tous les détours de notre psychologie, il a eu le sentiment que seule l'action nous découvrait. Quand il s'est rendu compte qu'à mesure qu'il s'observait, il ne faisait qu'augmenter la complication de son cas, et surtout, il nous a apporté un mot qui existait avant lui, mais qui était un mot rare, le mot « égotisme », et ses souvenirs d'égotisme expriment précisément cette impuissance à se connaître. Qui suis-je ? Enfin, c'est la question pressante qu'on trouve au seuil de la vie de Henri Brulard. Mais c'est peut-être précisément parce que Stendhal est énigmatique, qu'il a pu ainsi créer tout un courant de conscience, tout un courant d'opinion, et être le point de départ d'une littérature qui, tout en s'efforçant de faire vivre mille fictions, s'efforce toujours de revenir au centre, au cœur de ces fictions, c'est-à-dire au narrateur, à l'écrivain qui tient la plume et qui s'enchante à écrire. La postérité de Stendhal à laquelle Pierre Moreau faisait allusion, Léon Blum nous a montré tous ces étages de jugement relatif dans Stendhal et le bellisme, publié en 1914 et réédité il y a 2 ans chez Albin Michel, dans un des volumes de l'œuvre de Léon Blum. Stendhal et le bellisme est sans doute l'un des plus beaux essais de critique littéraire publié au XXe siècle, parce que la psychologie du grand caractère littéraire lui est aisée, et parce qu'il sait, avec finesse, qu'un homme est plus compliqué que sa pensée, Léon Blum reprend dans ce livre, sans élever la voix, sans lyrisme, en écrivant, comme pour lui-même, le projet que Stendhal nourrissait dans ses écrits intimes, La vie de Henri Brulard et le journal d'égotisme, c'est-à-dire raconter son auteur, le découvrir, le dévoiler, comme on dirait aujourd'hui. Mais à cette connaissance personnelle de Stendhal, Léon Blum ajoute une autre dimension, le rapport de Stendhal à ses personnages et le rapport de Stendhal à la famille des Stendhaliens qui ont fait sa gloire et l'ont fait lire au XXe siècle. Julien Quin de l'Institut va présenter ce livre de Léon Blum. Le livre de Léon Blum, Stendhal et le bellisme, a gardé toute sa valeur. Il parut en 1914, au moment même où s'achevait la carrière proprement littéraire de Léon Blum. Ce Stendhal a pu être écrit à loisir. Il est le fruit de longues lectures, souvent reprises, d'une réflexion qui ne cessait de s'approfondir sur un sujet qui, dès la jeunesse de Léon Blum, l'avait retenu. En consacrant un chapitre à l'esquisse d'une histoire du bellisme, il a fait comprendre l'attrait singulier que le personnage, autant que l'œuvre, a exercé sur des générations de la dernière moitié du siècle et comment ce méconnu put atteindre à cette gloire posthume. Dans la préface qu'il écrivit pour la réédition de 1930, Léon Blum a tenu à redire et qu'il n'a pas voulu entreprendre de nouvelles recherches dont l'amas des manuscrits de Stendhal, parmi lesquels on venait de s'appliquer à découvrir des inédits, des fragments de journal, des variantes aux textes les plus fameux. Il n'est pas, il ne veut pas être un historien littéraire, mais il connaît fort bien les travaux des érudits. Il tente tout autre chose qu'Émile Faguet, qui consacra un important article au livre au lendemain de sa publication, vit fort bien. Une biographie psychologique et une explication du personnage, tout cela étudié avec une passion restée judicieuse, disait Faguet, expliqué avec une subtilité qui reste claire. Stendhal s'est toute sa vie durant appliqué à créer de nouveaux masques derrière lesquels il s'est dissimulé. C'est bien pourquoi l'interprétation de ces personnages est si délicate. Que d'erreurs sur lui-même ont été commises par les premiers Stendhaliens. On parlait artificiellement d'une évolution et on s'est forcé d'en tracer les lignes. Dans ses notes de lecture que l'on publia après sa mort, René Boislet a bien marqué tout ce que l'on doit à Léon Blum. Et d'abord, d'avoir constaté avec justesse et la précocité intellectuelle et sensible de Stendhal et la durée indéfinie chez lui du caractère de la jeunesse. Il n'a pas changé parce qu'il n'est pas sorti de lui-même. C'est le point sur lequel Léon Blum insistait. C'est donc une image toute neuve de Stendhal que ce livre, en 1914, a portée. Il recréait, si l'on peut dire, de l'intérieur le personnage. Il montrait l'écrivain s'évadant des écoles et des disciplines, donnant au roman, par la vertu de sa sensibilité plus encore que de son art, dans le temps même où Balzac édifiait sa comédie humaine, un accent imprévu et des possibilités illimitées. Et maintenant, voyons comment, selon Léon Blum, Stendhal et son œuvre sont passés au travers des usages, des croyances, des dogmes, des traditions, des sociétés qu'il ignorait, et en particulier cette société de 1880 à 1900 qui a fait sa gloire. Mais il est bien évident que réduit à ses happy few, le dogme stendhalien a un peu dévié de sa pensée originelle. C'est ce que montre bien Léon Blum. Ce texte de Léon Blum va être lu par René Clermont. Peut-être entrait-il dans la destinée de cet homme si simple de n'être jamais compris et accepté simplement. Les romantiques l'ignorent ou le ravalent au rang subalterne d'un amateur spirituel, alors qu'il est un grand esprit et un grand artiste. Les normaliens de 1850 ne voient en lui qu'un voltairien, un écrivain sans emphase, un homme qui sait raisonner sur les sentiments et qui a deviné la psychologie scientifique, alors que son originalité ou même son génie est de combiner la plus froide clairvoyance avec la susceptibilité la plus ardente, d'adapter sa rigide méthode à une faculté infinie de souffrance, à un goût presque lyrique de la passion. Suivant l'exigence de Pascal, il joint à l'excès d'une vertu l'excès de la vertu opposée, et l'un sans l'autre ne serait rien. Les littérateurs de 1885, éclairés par l'analogie des conditions, touchent l'homme de si près que son œuvre paraît s'absorber en leur vie. Mais à leur tour, ils font leur choix partial dans le mélange. Ils restreignent la sensibilité stendhalienne. Ils la privent de cette pureté désintéressée que lui confère le voisinage d'un grand système et une idée parfaitement libre du bonheur. On les voit progressivement isolés dans l'homme, l'égotiste, l'analyste, l'apôtre de l'action coûte que coûte. Répétons-le une fois de plus. Tout l'effort de Stendhal, artiste, est de montrer la force nue de la passion. Toute la doctrine de Stendhal, moraliste, tend vers une idée du bonheur où l'action ne tient aucune place. Sans doute aurait-il distingué entre l'action telle qu'elle s'offrait de son temps et l'action telle qu'elle est possible au nôtre. Il aurait prévu qu'il est dangereux de conseiller l'énergie sans lui proposer en même temps son objet utile et désavouer d'avance l'enseignement qui, pour emprunter un exemple à l'œuvre romanesque de Maurice Barrès, produit des racadeaux ou des mouches-freins. Mais en fait, la seule énergie qu'il ait jamais conseillée est celle du cœur. Et l'action avait à ses yeux ce tort inexpiable qu'elle détourne de l'art ou de l'amour. La terre qu'il a choisie et déplorée est l'Italie de 1820, une Italie sans vie politique, sans armée, sans distinction sociale, mais où se trouvaient à portée des musées, des théâtres, des musiciens et des poètes qui lui semblaient les premiers du monde, des femmes qui ne craignaient pas d'aimer, où nulle ambition n'était possible que celle du séducteur et de l'artiste, où tout parlait, où rien ne distrayait de la passion. Aujourd'hui, sa gloire est acquise. Les écoles ou les partis le revendiquent, chacun pour soi, et la contrariété de ses dons explique suffisamment ce genre de dispute. Récemment encore, le nationalisme littéraire essayait d'accaparer cet écrivain d'un goût si français, mais qui a traité ses compatriotes à peu près comme Nietzsche traite les siens, et qui, le plus souvent, suivant la formule d'André Suarez, est européen contre la France. On étudie sa vie, on publie et l'on commente son œuvre, on catalogue ses qualités et ses opinions. Son nom paraît soustrait à toute contestation, et notre jugement ne fait que devancer, sans doute, celui de la postérité. Mais est-il bien sûr que Stendhal soit fait pour les modes normaux de la gloire? Au jugement officiel consacré par l'opinion et enregistré par les manuels de littérature, à la curiosité ou à la complaisance de la foule, n'eût-il pas préféré le don ardent d'une élite? Quelque chose comme la ferveur de ces rougistes en qui chaque phrase éveillait un souvenir, une leçon, une réflexion studieuse sur soi-même. Avoir tenu d'avance le journal intime de quelques jeunes gens capables de sentir, Stendhal n'eût pas souhaité de plus grand destin. Aujourd'hui, son nom, trop largement, trop tranquillement illustre, commence à entrer dans une sorte de recul un peu froid. Dans l'église stendhalienne, la plupart des adeptes ont atteint ou passé la maturité de leur âge, et ils ne s'en recrutent guère de nouveau. L'admiration s'est consolidée, propagée, mais elle a perdu en profondeur ce qu'elle gagnait en certitude et en étendue. Ce n'est plus l'amour, ce n'est plus cette foi tremblante qui se confiait comme un aveu. Pour présager l'avenir, il faudrait pouvoir prédire du même coup dans quel sens évoluera la société française. Le rouge et le noir et la chartreuse demeureront deux chefs-d'œuvre de notre littérature romanesque. Nul doute sur ce point, et l'on peut tenir le classement pour définitif. Mais il y a dans une littérature deux sortes de grands hommes et deux sortes de chefs-d'œuvre. Les grands hommes agissants et les grands hommes nominaux et inertes. Les chefs-d'œuvre qui s'incorporent à notre vie. Ceux qui restent distants de nous et qu'on a lus une fois pour se débarrasser d'un devoir. Suivant les temps, les livres de Stendhal seront plus ou moins présents et actifs. Stendhal est l'homme des moments confus, des mélanges sociaux, des périodes désordonnées. Chaque fois que dans la formation individuelle des caractères, les sensibilités pourront s'aiguiser sans objet et sans discipline, chaque fois que par le développement naturel de l'histoire, les classes sociales se trouveront brouillées à leur surface et séparées dans leurs fondements, de larges catégories de jeunes gens occuperont vis-à-vis du monde le même poste équivoque, risqueront les mêmes stations douloureuses. Avec le retour des événements stendhaliens, anxiété personnelle, contrariété des influences, alternative de l'appel et de l'accueil, on verra se raviver la foi stendhalienne. Dans les intervalles, Stendhal, sans doute, ne sera pas oublié. Il ne peut plus l'être. Mais il ne sera qu'admiré comme les autres. Il comptera tout au plus quelques fidèles isolés, ceux qu'aura rapprochés de lui telle coïncidence particulière, peut-être ceux qui auront conservé au fond d'eux-mêmes un peu plus d'attendrissement rêveur et de candeur d'âme. Ce sort est le plus beau, et il ne faut pas lui en souhaiter d'autre. C'est un rare mérite pour un artiste que la pleine pénétration de son œuvre dépende de certains états sociaux, puisqu'alors il en a livré la traduction la plus fidèle et la plus forte. C'est une douce récompense quand la pleine sympathie dépend de certains états du cœur et reste liée à la fraîcheur ou à la permanence profonde de la jeunesse. Que représente Stendhal aux yeux des écrivains d'aujourd'hui? Fait-on encore crédit à sa méthode, à son esprit, à son appétit de passion? Est-il utile comme un guide et comme un conseil, ou ne représente-t-il qu'une curiosité littéraire? C'est la question qu'André Bourin va poser à Jean Dutour, Hubert Juin et Christian Murciau. Trois romanciers sont réunis autour de ce micro. Jean Dutour, auteur des horreurs de l'amour et de l'âme sensible, très stendhalienne. Hubert Juin, qui est aussi poète et essayiste, ainsi qu'en témoignent ses chroniques sentimentales. Christian Murciau, enfin, dont le dernier roman, Pedro de Luna, lui a valu de recevoir il y a quelques jours le Grand Prix littéraire de Monaco. Pourquoi cette réunion de trois romanciers? Pour parler, bien sûr, d'un quatrième romancier de Stendhal. Stendhal, qui parmi tous les écrivains du XIXe siècle, semble être le seul que des écrivains d'aujourd'hui songent à imiter dans son style, dans son esprit et même dans sa vie. Impossible d'imaginer un romancier voulant vivre à la manière de Balzac ou de Hugo, par exemple. Au contraire, Stendhal reste un modèle pour certains, ce qui ne va pas tout de même sans provoquer notre étonnement. D'où cette rencontre avec Jean Dutour, Christian Murciau et Hubert Juin, à qui je veux demander comment peut-on être stendhalien. Jean Dutour. Je voudrais relever deux ou trois choses que vous avez dites, mon cher Bourin, dans votre introduction. Vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient imiter Stendhal dans sa vie. Moi, c'est une chose qui ne m'a pas énormément frappé parce que la vie de Stendhal, mon Dieu, elle n'a pas été tellement heureuse. Il dit lui-même qu'il est tombé avec l'Empire en 1815 et il est vraiment très mal tombé, le pauvre, et il s'est à peu près pas relevé pour ce qui est de sa vie vécue. Il a été évidemment passé quelques années en Italie où il a découvert sa vraie patrie. Il a fait d'ailleurs inscrire sur son tombeau, comme vous le savez, ici, J. Arrigo Bell, Milanese. Mais enfin, à part ces quelques années heureuses en Italie, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a été obligé de solliciter du gouvernement de Louis-Philippe une petite place dans la diplomatie. Il l'a obtenue. C'était celle de consul de France à Civitavecchia, où il est allé s'enterrer, où il a été extrêmement malheureux. Il s'embêtait comme une croûte derrière une malle à Civitavecchia. Il était en butte aux petites tracasseries de son chancelier qui s'appelait Lysimac Tavernier, pour lequel il n'a pas assez de sarcasme et de brancard dans ses écrits intimes. Bref, enfin, sa vie n'est pas heureuse du tout. Sur le plan de l'amour, elle n'a pas été réussie non plus, la vie de Stendhal. Il a eu quelques maîtresses. Il en fait la nomenclature dans la vie d'Henri Brûlard. Il dit « J'ai aimé à la folie telle et telle et telle femme ». Mais il n'a pas été tellement aimé en retour, sinon peut-être par la comtesse Curial et, quand il était jeune, par Mélanie. Oui, c'est je crois que pour lui, l'essentiel était d'aimer, beaucoup plus que d'être aimé. Oui, bien sûr, mais enfin, on ne déteste pas être aimé. C'est justement dans cette période, disons, incertaine de sa vie ou de sa carrière, qu'il a connu ses grandes passions, Angela, Mathilde, et en somme, comme artiste et je dirais même comme homme, cette période a été très heureuse. Je trouve que notre ami Dutour voit sa carrière d'un point de vue un peu de fonctionnaire. Oui, bien sûr, mais enfin, tout se tient dans une vie. On peut aussi être heureux dans son travail comme être heureux dans ses amours. Or, j'ai l'impression que ni dans ses amours, ni dans son travail, Bell n'a été très heureux. Que ça ne lui ait profité, c'est une autre affaire. Et il est évident que des amours malheureuses, c'est très bon pour la littérature. Mais de là, les imiter, je crois. Il est évident aussi que de s'embêter à Civitavecchia à longueur d'année, c'est aussi très bon pour la littérature, parce qu'on travaille beaucoup. D'ailleurs, en fait, il y était très peu. Il était surtout à Rome, ce que son ambassadeur lui reprochait. Oui, mais alors vous, Christian Murcio, vous estimez tout de même qu'au fond, vivre comme Stendhal, ce ne serait pas désagréable. Bien, je crois qu'il y a eu au fond un art de vie qui est un art d'utiliser les circonstances dans Stendhal. Tout est hasard dans cette vie, mais hasard heureusement adapté ou adopté. Il entre dans l'armée, il en sort, il y revient comme intendant, il se trouve comme par hasard au moment de la campagne de Russie, il participe au sursaut des 100 jours, et puis ensuite il trouve qu'il est temps d'aimer et de vivre en mille années. Il me semble que d'un point de vue stendhalien, sa vie a été relativement réussie. Et vous, Hubert Jean? Moi, personnellement, enfin, je pense, comme Dutour, que la vie de Stendhal n'est pas un exemple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une imitation de Stendhal au point de vue de la vie. Par contre, lorsque vous parlez de l'œuvre, tout change, tout devient très différent. Mais je crois que Dutour n'a pas fini. Oui, oui, je vois que Dutour brûle de dire quelque chose. Une petite remarque sur ce que Murcio a dit. Stendhal n'a pas du tout participé aux 100 jours. Il était à Milan, il y restait. Il a laissé Napoléon se débrouiller tout seul, il a préféré Angela à Bonaparte. Mais les travaux de Grenoble, lorsqu'il était responsable de la défense de Grenoble. C'était avant. Alors en somme, vous distinguez, je pense, la vie telle que Stendhal l'a vécue et l'homme Stendhal tel qu'il aurait voulu vivre sa vie, je pense. Oh, bien sûr, Stendhal avait une grande force de recréation de la vie et avec le petit résidu de son existence réelle, il a fait les œuvres admirables qu'on connaît, mais ça... Mon Dieu, c'est le lot de tout grand écrivain, de tout grand artiste. Oui, mais tout de même, Stendhal semble avoir apporté dans cette vie une désinvolture, une aisance, une liberté de pensée que d'autres écrivains du siècle n'avaient pas. Et je pense que c'est par là qu'il est proche de nous, mais proche vous savez, de certains d'entre eux. Je vais vous citer un vers de Mallarmé qui se trouve dans un poème intitulé « Le Guignon ». Ce vers, c'est le suivant. « Ces héros excédés de malaise badin vont ridiculement se pendre au réverbère. » Eh bien, Stendhal a été un héros excédé de malaise badin. Il n'a pas été se pendre au réverbère parce qu'il avait une grande énergie. Non, et puis il avait pour surtout... Nerval. Et puis c'était pour Nerval, hélas. Et surtout, il avait cette volonté de créer qui est plus forte que n'importe quel désespoir. Mais enfin, sa vie n'est pas gaie du tout. Il avait une âme extrêmement sensible et extrêmement souffrante et sous un extérieur plein d'esprit, très drôle, un extérieur d'homme du XVIIIe siècle, il avait une âme profondément romantique. Alors, quel usage, en somme, peut-on faire de Stendhal aujourd'hui? Par exemple, vous, Hubert Joad. Écoutez, pour moi, l'usage qu'on peut faire de Stendhal est d'abord un usage de bibliothèque, disons, de notre métier. Nous sommes écrivains. Je pense que Stendhal a joué à ce moment-là un rôle de premier plan. C'est un régicide, Stendhal. Oui. Il démontre qu'on n'est pas écrivain de droit divin. On est écrivain parce qu'on travaille. Et on continue toujours à devenir l'écrivain qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut faire comme Stendhal, être content d'écrire et mécontent de ce que l'on écrit. Et comme Stendhal nous a enseigné cette règle d'or, il a quand même fait changer la littérature en la démythifiant et en la démythifiant nos propres yeux, qui sont des yeux d'écrivain. Vous, Christian Murcio. Je crois que la fascination de Stendhal vient de ce que chez lui, la vie et l'œuvre ne sont pas cruellement antagonistes, comme par exemple chez Flaubert. C'est un homme qui vit et qui écrit d'une seule dictée, d'un seul élan, la Chartreuse de Parme. Et je crois que c'est là qu'est le secret de sa fascination, comme par exemple pour des écrivains allittéraires comme Laurence d'Arabie ou ces hommes qui tout d'un coup livrent leur expérience dans un livre, que ce soit une somme romanesque ou une somme historique. Et vous, Jean Dutour? Bien, moi je crois que la fascination de Stendhal, elle vient du fait que c'est un homme en qui on peut avoir totalement confiance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lit un mot, une phrase, je dirais même presque une virgule de Stendhal, eh bien on se dit, il a raison, c'est vrai, il ne nous raconte pas d'histoire. Il y a une espèce de recherche éperdue de la vérité dans Stendhal. Éperdue n'est pas le mot, parce qu'il n'y avait rien d'éperdu chez lui, mais une recherche brillante, vive, conquérante de la vérité, qui fait que chaque fois que Stendhal écrit quelque chose, il vise juste et il met sa balle dans la mouche. Oui, vous trouvez par conséquent que c'est là la qualité essentielle de Stendhal? Pas la qualité essentielle, le non. Fait qu'il soit constamment fascinant. C'est qu'il n'y a jamais chez lui quelque chose de faux, c'est-à-dire jamais chez lui quelque chose de bête. Oui, mais ceci dit, je voudrais, parce que au départ, vous nous posiez un problème, Stendhal et nous, Stendhal et notre époque. Vous parliez d'écrivains qui s'inspirent de Stendhal. J'ai remarqué, peut-être vous aussi, que les tenants de ce qu'on a appelé la nouvelle critique, c'est-à-dire Poulet, c'est-à-dire le buteur de répertoire, c'est-à-dire Blanchot, Gaëtan Picon, lorsque vous ouvrez leur recueil, lorsque vous les parcourez, vous trouvez des articles sur les grands romantiques, notamment. Mais vous ne trouverez jamais, et aucun d'entre eux n'a traité de Stendhal. On dirait vraiment que ça ne les intéresse pas. Or, ce qui est très important, je crois, c'est de savoir pourquoi. Je crois, pour une part, je rejoins ce que dit Dutour, il y a une chose très importante, disons, au point de vue de la nouvelle critique, c'est que Stendhal est l'homme qui ne conteste pas le langage. Vous ne trouvez pas dans ce qu'écrit Stendhal l'objet autre que utilitaire. L'objet en soi, enfin, tout ce que nous, dans notre néo-kantisme, n'est-ce pas, nous avons l'habitude de parler, ne l'intéresse absolument pas. D'autre part, le roman de Stendhal n'est jamais et à aucun moment un roman de la solitude. Ce qui n'intéresse pas non plus, disons, le nouveau roman. Je m'excuse de contredire Hubert Juin, mais je crois que les choses sont beaucoup plus simples que ça. Les écrivains dont il parle ne mentionnent jamais Stendhal pour une raison bien simple, c'est parce qu'ils ont peur de lui, parce que Stendhal est évidemment leur antithèse totale. Leur antithèse totale, bien sûr. Stendhal est un homme qui est vif, qui est gai, qui cherche la vérité et qui a un style naturel. Les gens dont Hubert Juin vient de parler, c'est tout le contraire. Alors évidemment, ils ne peuvent que détester un homme comme Stendhal qui avait horreur des phrases. Or, je ne voudrais pas être méchant, mais enfin, ce sont surtout des phrases qu'ils écrivent. Bien sûr, mais je voulais simplement insister sur un phénomène, c'est que ce qu'on appelle le nouveau roman maintenant me paraît être beaucoup plus anti-stendhalien qu'il ne peut être anti-balzacien, par exemple. Effectivement, oui. Stendhal leur fait peur, mais ça, c'est très remarquable. Je pense qu'il fallait le souligner. Ils n'aiment pas Stendhal, et ça me rappelle une petite anecdote, un mot de Brahms à une dame qui lui disait, « Vous savez, monsieur Brahms, moi, je n'aime pas du tout Beethoven. » Et Brahms lui répond, « Mais madame, ça n'a aucune importance. » Et vous, Christian Murcio? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec mes deux interlocuteurs. Je crois que, justement, Stendhal, pour parodier à l'avance un mot fameux, ne cherche pas, il trouve. Et cette critique dirige avant tout ses feux sur des tâtonnements, sur des états, disons, pâteux, nébuleux. Or, tout cela est hors du domaine de Stendhal. Au fond, cette critique est faite de modes d'emploi qui accompagnent des produits pharmaceutiques plus ou moins efficaces. Tout cela est complètement étranger à Stendhal. Et vous, Jean Dutour? Stendhal n'avait pas assez de moquerie et de sarcasme pour Chateaubriand, en quoi d'ailleurs il se montrait extrêmement injuste. Et il ne connaissait pas, il faut l'ajouter, le Chateaubriand des mémoires, qui est le grand. Mais enfin, on peut penser que s'il se moquait de Chateaubriand, il se moquerait encore bien davantage des gens dont parlait Hubert Jumet qui écrivent sur lui. Mais tout de même... Qui n'écrivent pas sur lui. Oui, qui n'écrivent pas sur lui. Mais tout de même, il y a un certain nombre d'écrivains d'aujourd'hui qui ont voulu imiter Stendhal avec une telle application, une telle évidence, qu'on peut se demander tout de même le rôle de Stendhal parmi les gens de lettres d'aujourd'hui. Regardez par exemple Giono. Eh bien, le cas de Hussard sur le toit pose un problème. Christian Murcio. Eh bien, justement, j'ai eu le très grand plaisir de rencontrer tout récemment Giono, et il me disait lui-même que cette séparation que la critique surtout a établie entre son cycle lyrique, panique, panthéiste, et son cycle stendhalien est absolument arbitraire, et que quantité de livres qui, du fait d'événements privés ou des lenteurs de la publication, ont paru 5-6 ans après, ont été en fait écrits en même temps que ses grands poèmes à la gloire de la nature. Et je crois que lui-même, Giono, n'imite pas. Il a retrouvé une espèce d'allégresse vitale qui fait que ses héros se déplacent sur le rythme de Stendhal. Hubert Jouin. Oui, enfin, je pense que vous parliez d'imitateurs. Alors, dès qu'on parle d'imitateurs, enfin, laissons-les pour ce qu'ils sont. Je ne pense pas que Giono imite, bien sur entendu, comme dit Murcio. Mais enfin, si imitateurs il y a, ben, mon Dieu, qu'ils imitent Stendhal ou qu'ils imitent n'importe qui, ce ne sont quand même que des imitateurs. Je crois que l'importance de Stendhal est comme ferment. Je pense qu'actuellement, il y a effectivement des gens qui sont nourris de Stendhal, pas comme des Stendhaliens, entendons-nous, pas dans la recherche, d'ailleurs Dutour, à la fin de son âme sensible, les avait très bien caractérisés, enfin, en montrant à peu près comment Stendhal pouvait être enterré sous le bellisme. Mais sinon, les gens qui se sont vraiment nourris des romans de Stendhal ont retrouvé une veine, ça les aide à respirer et à trouver leur propre respiration. Regardez ces jeunes romanciers d'il y a quelques années, comme Blondin par exemple. Eh bien, vous n'avez pas l'impression tout de même qu'ils ont été nourris de Stendhal au point de vouloir, dans une certaine mesure, limiter, peut-être maladroitement limiter, d'ailleurs. Je pense ils pas. Ils s'en sont réclamés tout de même. Nimier aussi. Alors là, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas de ton même stendhalien dans les ouvrages de Blondin ou de Nimier. Chez Nimier, je sens plutôt Barrès, la désinvolture barrésienne. Oui, mais Barrès lui-même imitait Stendhal. Et chez Blondin, je vois plutôt l'influence conjuguée de Morand ou de Giraudoux, des choses beaucoup plus proches. Beaucoup de Giraudoux, beaucoup plus proches que Stendhal. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot de bellisme. Je crois qu'il faudrait revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, aujourd'hui, le bellisme? Vous, Jean Dutour. Moi, je suis incapable de vous en donner une. Je crois aussi que ça ne se définit pas. Je pense que c'est une maladie honorable. Avec anniversaire, contestation sur le numérotage de la rue de Richelieu au temps de Stendhal. C'est une forme d'érudition, enfin, poussée à ses dernières conséquences. Oui. Ce qu'il a fait le 16 avril 1832 à 4h35 de l'après-midi. Il faut dire qu'il leur a préparé à la fois le travail, les énigmes, le déchiffrage des énigmes, avec les phrases intercalées en diverses langues, les pseudonymes, Madame Azur, tout cela. Il a poussé involontairement au bellisme. Mais il y a autre chose, puisque nous parlons de mots, jetons-en un autre sur le tapis, c'est le mot égotisme. Est-ce que l'égotisme n'a pas un sens très séduisant pour des écrivains d'aujourd'hui? Bon, l'égotisme, selon Littré, c'est la manie exagérée de parler de soi. C'était pris tout de même par Stendhal avec un petit peu d'humour lorsqu'il a écrit « Souvenir d'égotisme » sur son manuscrit inachevé. Il ne faut pas non plus faire un sort à un mot que Stendhal a mis là parce que ça lui plaisait. Hubert Jouin. Je crois cependant, dans ce que vous dites, qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que je crois que le ton moderne, et nous sommes quand même des modernes, et mon Dieu Stendhal avait bien raison de dire qu'il ne serait compris que dans notre siècle, sur ce plan-là en tout cas, c'est que notre attitude est quand même anti-romantique. Enfin, nous avons un sens de l'individualité qui n'est plus celle des romantiques. Alors là, j'ai l'impression que vos deux voisins ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que je crois qu'il y a tout de même dans l'égotisme de Stendhal un certain résidu irréductible, c'est vraiment une délectation d'être soi. Il est très frappant de voir Stendhal se souvenir à 10 ans, à 15 ans, de ce qu'il était jadis. Il y a là quelque chose d'assez parallèle à ce monde capturé miraculeusement par Proust à l'occasion d'une sensation. Et je trouve que par là, Stendhal, malgré son rythme qui est si étranger à Proust, il y a tout de même un culte du passé et du passé tout d'un coup retrouvé et toujours possédé, si je peux dire, rétrospectivement dans une seconde miraculeuse. Je suis assez d'accord avec Murcio. Simplement, je vais faire remarquer ceci. C'est que Stendhal n'a été un grand romancier que dans les dernières années de sa vie. La réputation qui n'était pas négligeable, qu'il avait de son vivant, n'était pas du tout celle qu'il a eue après sa mort. Il avait la réputation d'un homme d'esprit, d'un brillant essayiste, de quelqu'un qui faisait des étincelles, des pétarades, qui avait toujours un bon mot ou une plaisanterie très salée à la bouche, qui tenait le dé de la conversation et faisait le diable à quatre, comme dit Sainte-Beuve dans le grand article qu'il lui a consacré. Ce que je vous fais remarquer également au passage, Sainte-Beuve ne consacrait pas tout son rez-de-chaussée à n'importe qui. Eh bien, il l'a quand même fait lorsque Bel Stendhal est mort en 1842. De son vivant, la réputation de Stendhal était celle d'un homme d'esprit, d'un homme de bon ton, d'un esprit brillant et fort distingué. D'un homme paradoxal, d'un homme paradoxal de l'écluse s'attrister, oui, car il troublait, paraît-il, l'esprit de ces bons jeunes gens et l'esprit de ses réceptions hebdomadaires. Oui, bien sûr. Enfin, ce que les gens appellent paradoxe n'est en général que la vérité saisie par un bout insolite et exprimée d'une façon frappante. Ce que devait probablement pratiquer Stendhal avec ardeur et persévérance. Stendhal n'a jamais été un écrivain maudit. Même après sa mort, il n'est pas entré dans le purgatoire. Il a toujours eu un certain nombre de gens qui le lisaient avec ferveur, avec passion, qui découvraient en lui, dans ses œuvres, justement ce qu'il y avait mis, c'est-à-dire cette manière ironique, corrosive, abusante, gaie, brillante, pimpante aussi de voir l'existence. Un bouquiniste de mes amis m'a montré une chose qui est très révélatrice. Il m'a montré une édition des grands romans de la fin de Stendhal, c'est-à-dire Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme, dans une édition populaire de 1850, c'est-à-dire quelques années seulement après sa mort. Il était publié dans des éditions populaires, vous savez, imprimées sur deux colonnes, exactement comme Alexandre Dumas et comme Balzac, ceci en 1850. N'oubliez pas non plus qu'il y a eu une espèce de regain de bellisme, pour employer ce mot vague, il y a eu un grand regain de bellisme sous le Second Empire, d'abord parce que Stendhal, Bell, était un gros monsieur qui était l'ami de Madame de Montijo, la mère de l'impératrice, et lorsqu'il allait prendre le thé chez Madame de Montijo, il y avait les deux petites filles, Paquita et Eugénie, qui venaient chacune sur ses genoux et à qui il racontait de belles histoires. Et il y avait aussi Mérimée, sénateur de l'Empire, qui avait été le plus fervent ami et même, dans une certaine mesure, le disciple de Stendhal. Et tout cela fait que jamais sa gloire ne s'est complètement estompée jusqu'au moment où il a été alors ressorti à grand tam-tam et à grand tintamarre par Paul Bourget. Et cela lui donne tout de même une situation particulière dans le 19e siècle, ça c'est incontestable. Mais son attitude politique aussi, est-ce que vous ne pensez pas que cette attitude qu'il a eue durant toute son existence en face des différents régimes sous lesquels il a vécu, cette attitude-là, est-ce qu'elle ne lui donne pas aujourd'hui une sympathie ou un intérêt particulier? Je ne dis pas les idées mêmes qu'il défendait, mais l'attitude qu'il avait en face du pouvoir. Eh bien, il était républicain. Il était aussi bonapartiste. Il avait surtout, à mon sens, l'esprit de contradiction. Non. Il n'y a qu'une seule époque de sa vie où il se soit senti bien dans sa peau, politiquement parlant, c'était sous l'Empire, parce que il avait une admiration délirante pour Napoléon, délirante mais aussi fort raisonnée, car il en voyait très bien le faible, le fort. Il a écrit d'ailleurs des choses absolument remarquables sur Napoléon dans sa vie de Napoléon. C'est sublime, il a tout le temps vu la grandeur et la petitesse du personnage. Mais enfin, la grandeur l'emportait. Il était parfaitement heureux d'avoir cette grande âme, comme il l'appelle, à la tête de la France. Il est tombé en 1815 avec lui et tout ce qui est venu après lui a causé le plus intense dégoût. Les Bourbons lui répugnaient infiniment. Comme disait tout à l'heure Hubert Juin, il était régicide à l'âge de 5 ans ou 6 ans, car il le raconte dans les mémoires, dans Henri Brûlard, où quand il a appris à Grenoble qu'on avait coupé la tête du pauvre Louis XVI, il était très content et il a crié « Vive la République !» choses qui ont beaucoup scandalisé sa famille. C'était un républicain très précoce. Mais enfin, je m'excuse un dernier mot, il était républicain de cœur, mais il détestait les majorités crottées et il n'aurait pas du tout aimé vivre dans une république. Il avait besoin du faubourg Saint-Germain. Christian Murcieux. Je crois que Stendhal était avant tout un aristocrate, un individualiste, mais fasciné par Bonaparte, qu'il a vu comme Beethoven l'a vu au temps où il écrivait la symphonie héroïque, l'accomplissement parfait de l'homme, chef d'État, législateur, stratège, conquérant, l'homme complet. Et vous, Hubert? Et moi, je crois qu'il y a autre chose. Enfin, dans Henri Brûlard, notamment le petit garçon qui va devenir Stendhal, explique comment il était fasciné par le buste de Voltaire que le grand-père possédait sur sa cheminée. Et ensuite, Stendhal était quand même un lecteur d'Helvétius. Et vous connaissez sa formation qu'il a eue par les idéologues. Mais enfin, être lecteur d'Helvétius, je crois, à l'époque où tout le monde traînait dans ses bagages de préférence le génie du christianisme, était quelque chose. Il y a aussi l'anticléricalisme de Stendhal, qui a son rôle à jouer, qui explique certaines de ses attitudes politiques. N'est-ce pas ? Il ne pouvait absolument pas marcher dans une monarchie, ou même dans une république cléricale, disons. Il fait très figure d'opposant. Je crois qu'il y a chez lui une espèce de liberté. C'est un homme de gauche, n'est-ce pas ? Il est évident, il faudra encore s'entendre sur ce mot. Je m'explique tout de suite, c'est un homme de gauche qui, évidemment, comme tous les hommes de gauche, qui sont sortis de la bourgeoisie et non pas du prolétariat, d'ailleurs à son époque c'était difficile, comme tous les hommes de gauche qui sont sortis de la bourgeoisie, vivent une contradiction. Ils sont pour le peuple, mais ils préfèrent quand même vivre entre eux. C'est-à-dire, ils sont pour la masse, mais ils sont vraiment pour les épiphius. Vos deux voisins ont l'air songeurs. Je pense évidemment au salon et au punch à minuit que Stendhal aimait tellement. Oui, mais c'est ce que je dis. Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Je crois que nous pouvons citer des écrivains de gauche qui, quand même, sont vraiment des écrivains de gauche. On ne peut pas contester ce fait. Mais qui, mon Dieu, se trouvent quand même beaucoup plus à l'aise dans un salon où l'on boit du whisky que dans un atelier de tôlerie. Je trouve ça parfaitement normal. Alors ça, c'est être stendhalien. Oui et non, c'est une contradiction. Et il y a des écrivains prolétariens qui sont sortis du prolétariat, qui écrivent pour le prolétariat. Je veux dire, par exemple, dans le cas d'un Gorki, il n'y a pas de contradiction. Mais enfin, citons un nom, dans le cas d'Aragon, je crois qu'il y a contradiction. Très légère contradiction. Une contradiction stendhalienne. Alors si nous voulons conclure de tout cela, d'abord, j'ai trouvé que vous ne vous opposiez pas beaucoup les uns aux autres. Je crois qu'on ne peut pas s'opposer sur Stendhal. Où il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de faire comme fait le Nouveau Roman ou la Nouvelle Critique, de ne pas en parler. Alors il aurait fallu que vous ayez à cette petite réunion Claudel qui vous aurait dit pique-pendre sur Stendhal, mais à part lui, je ne vois pas qui vous auriez pu trouver. Et je crois que même Claudel, à la fin de sa vie, comme d'ailleurs pour Marcel Proust, avait nuancé ses opinions catégoriques sur Stendhal. Moi, je l'ai encore entendu dire des choses atroces sur Stendhal. En somme, vous votez tous pour Stendhal. Pour l'actualité de Stendhal, pour Stendhal proche, très proche. Je crois que pour moi, en tout cas, et pour chacun de nous, Stendhal nous est proche. Alors si nous sommes beaucoup, c'est qu'il est proche de l'époque. Et puis, en fait, quoi, il faut bien le dire, Stendhal, c'est un homme de génie, c'est un grand écrivain, le génie, c'est toujours actuel, c'est pas tellement fréquent. De toute façon, je pense que Stendhal aurait été très heureux d'entendre, en 1964, parler de lui comme vous venez de le faire. Il s'adressait au lecteur de 1880... Peut-être jugeait-il cette projection vers l'avenir déjà bien audacieuse. Vous avez montré, après beaucoup d'autres, que Stendhal ne cessait de grandir. Aujourd'hui, Stendhal se porte bien, et avec lui, on n'en a jamais fini. Vous avez entendu Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Stendhal et le bélisme de Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation d'Hélène Delabrusse. Avec la collaboration de André Bourin, Julien Quin de l'Institut, Marie-Jeanne Durie, Jean Dutour, Henri Guillemin, Hubert Juin, André Mauroy de l'Académie française, Pierre Moreau, Christian Murcio. Les textes étaient lus par Sylvia Monfort, René Clermont, Jean Levray, Renaud Marie. Cette émission a été diffusée la première fois le 18 avril 1964 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.